écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Mais on vous enlèvera pas vos connaissances, ça, nous, on est pour en ajouter dans votre cerveau. Voici, c'est un fait. C'est un fait. Clap, clap. C'est un fait. Clap, clap. C'est un fait. Clap, clap. Tu veux terminer tes écouteurs sur 7 ans pour te rendre compte que quand tu tapes sur ton clavier, on l'entend super gros. Oui! Donc, c'est fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables, donc des choses selon Internet qui sont vraies. Oui! C'est ça. Et on commence avec une rafale, comme on le fait tout le temps. On ira dans les explications dans la deuxième partie. Mais pour l'instant, en 1931, la vedette du tennis Lily Di Alvarez est devenue la première femme à porter une paire de shorts à Wimbledon. Oh! Avant ça, c'était des vêtements plus longs. Coquine? Coquine, jeune femme en 1931. J est la seule lettre de l'alphabet qui n'est pas utilisée dans les symboles atomiques de tous les éléments. Sur le tableau des éléments, il n'y a pas la lettre J dans aucun. OK. Tu penses que c'était pour pas que personne se trompe avec le I? Ah, peut-être, hein? Ben oui, j'avoue. Peut-être. Le J, le I. Homer J. Simpson. Ben oui. Ben oui, le J voulait dire J. Les chances, en français, comment ils l'ont traduit, cette blague-là? Parce que son nom, c'est Homer J. Simpson, tu sais, puis le J voulait dire J, il cherchait super longtemps. Ouais. En français, J, c'est J. C'est J. Fait que Homer J. Simpson. Et ils l'ont peut-être appelé J comme J-A-Y. Ouais. Oh, t'es sceptique. Je suis un petit peu sceptique de ta... Non, je suis pas sûr. Les chances de faire deux trous d'un coup dans une ronde de golf sont de 1 sur 67 millions. OK. 67 millions! Mais au mini-golf! Dès que ça parle de golf, il faut absolument qu'on parle de mini-golf. Au mini-pot, mini-pot, mini-golf. Oui. Différence entre mini-pot et mini-golf, il n'y en a pas. Ça s'écrit pas pareil, Mathieu. Vrai, ça. Lorsqu'ils entendent les sons les plus silencieux, OK, les os de ton oreille vont vibrer, OK, de moins de la distance, OK, de moins que le diamètre d'un atome d'hydrogène. Oh. Ça va tellement vibrer tout minuscule. Un atome d'hydrogène, ça va vibrer moins que ça. Ensuite, à chaque jour, ton corps fabrique 300 milliards de nouvelles cellules. C'est environ 3 fois plus que le nombre de galaxies dans l'univers. OK. 300 milliards de nouvelles cellules. Ben, je le félicite, mon corps. Oui, c'est ça. Oui. C'est productif, une usine. Une vraie usine. C'est pour ça les bruits dans ton ventre. Ouais. L'œil humain peut voir une flamme de chandelle dans le noir à une distance de 30 000. 30 000. 30 000, évidemment, en kilomètres. Hein. On s'attend tous à ce que ça fasse. 48,28 kilomètres. Parfait. Voilà. qu'est-ce qu'un rantipole? R-A-N-T-I-P-O-L-E. Rantipole? Ouais. Aïe. Ça, c'est un peu comme... OK, ça, c'est quand c'est pas dans les pôles. C'est des antipôles. Et R, juste pour le fun, une lettre en trop, c'est comme un morceau dans un... Ouais, BPA. C'est ça. Ça a été une mauvaise traduction dans le temps avec les moines copistes. Okay. Ah, mais je pensais que c'était la rue où t'étais né, le Rantipole. Le Rantipole! À l'époque, le Rantipole. Non, c'est une personne, en fait, qui est juste mal polie, genre impolie. Impolie, okay. Hein? Impolie. Ouais. Rantipole. Rantipole. Le Rantipole. Le Rantipole. Le volume... Je n'y ai pas pensé. Maintenant que tu le dis, j'entends juste ça. Mais moi, c'est ça. Tous les mots qui peuvent être convertis en d'autres choses, comme les vieux hiboux, la chanson de Catherine Leduc, là, les vieux hiboux dans l'eau. Ils sont dans l'eau puis hiboux. Ah, mais c'est des vieux hiboux, c'est l'animal, tu sais. Mais oui. Moi, je suis pas capable de l'entendre autrement. Ah. Bon, ça, oui, demande. Le volume de sauce soya à préparer aux Pays-Bas, okay, à chaque année, est plus élevé que le volume d'or ramassé dans toute l'histoire humaine depuis le début de l'humanité. On a ramassé de l'or, on a cueilli, si on veut, de l'or. Ils veulent d'ailleurs changer... la fameuse histoire des rois mages. Ça va être l'encens, la myrrhe puis la sauce soya au lieu de l'or. C'est pas de la légère toujours, c'est pas bon. C'est... Non, c'est pas de la light. C'est la kikoman là. C'est la meilleure. C'est un petit pot de vide. Pas en bouteille, parce que je l'ai goûté, puis elle n'est pas aussi bonne que celle en petite, avec le capuchon rouge. Oui. Comme dans les restaurants. Comme les restaurants, c'est celle qu'il faut acheter, c'est celle qui est bonne. Avec un petit trou dedans. Miam! La première personne à avoir été arrêtée pour avoir fait de la vitesse aux États-Unis allait à 12 000 à l'heure. Hein. C'était en 1899 et le policier était à vélo. Donc 12 000 à l'heure en kilomètres heure. Évidemment, ça nous donne 19,31 kilomètres heure. J'imagine le policier avec sa petite clochette. Là. Au nom de la loi! Il fait les cris avec sa bouche, puis il ajoute la salle. Depuis sa découverte, la planète Pluton, qui était une planète en fait plus maintenant, mais bon, Pluton a seulement réussi à faire le tiers de son orbite. Elle va compléter une orbite complète en 2178. OK. Pauvre petite. Le design du revêtement anti-reflet sur les lunettes est inspiré de la surface de l'œil d'un insecte qui s'appelle le moth. Moth, c'est la mythe en français, comme les boulamites. Voilà, boulamites. Ce genre de papillon. Voilà, donc c'est les lunettes qui sont inspirées de ça. Ah ben, tu veux dire le comme côté... L'anti-reflet. Anti-reflet, ben oui. Okay. Ouais. Que veut dire biblio-bibuli? Biblio-bibuli. Biblio, donc ça, c'est la liste. Mettons, le recensement, les références. OK. Biblio quoi? Bibuli. Bibuli? Bibuli. Bibuli par-ci. Bibuli. Je sais pas, Mathieu. Bibuli. Bon. Je te le dis. On dirait le mot des déboulis, mais de bébé. C'est okay. Des bibulis. Wow! C'est les gens qui lisent tellement, qui sont tellement absorbés par leur lecture qu'ils ne savent pas tout ce qui se passe autour d'eux dans le monde. Ah. Ils sont tellement pris par leur lecture. C'est un terme inventé par H.L. Mencken. Donc, il a inventé le terme bibliobibuli. Tu vis dans ta bulle de bibliothèque. De livres. De livres de bibliothèque. C'est ça. Un chaméléon, comme oui. On peut dire. Peut focusser ses deux yeux séparément. Tu as déjà vu sûrement les caméléons bouger les deux yeux pas dans la même direction. Ben, ils peuvent focusser aussi leurs yeux différemment, séparément, pour regarder deux objets en même temps. Incroyable. Superbe. Ensuite, en allant jusqu'au comment t'appelles ça, le launchpad, le truc où on lance une fusée. Là, Le site de lancement, si on veut. Les cosmonautes hommes vont quitter l'autobus et aller à la roue en arrière, à gauche du véhicule, pour faire pipi, parce que c'est ce que Yuri Gagarin a fait avant de s'envoler dans sa fusée à l'époque. Donc, ils font la même chose par tradition. Ça va faire pipi sur la roue arrière gauche. OK. Moi, je pensais qu'il était dans un gros suit, pas possible, en sortant de là. Pas à ce moment-là, faut croire. Non. Ils font tout, puis ils se rendent compte après que c'était comme une initiation, puis qu'ils sont en train de faire pipi dans leur soute. Oh. Ça met de la couleur. Ben oui. Scientifique, c'est fait donner, pas lui-même, c'est pas donné ça, mais c'est fait donner des piqûres d'abeilles sur 25 parties de son corps. Et il est arrivé à la conclusion que le plus de douleur est ressenti dans la narine, sur la lèvre et sur l'engin masculin reproductif. Ben oui. Ben oui, c'est ça, pour tout pour la science. Tout pour la science. Il a peut-être espéré que ça gonfle. C'est pas pire ça. Je sais pas si ça dure plus que 4 heures comme le Viagra pour son médecin ou son apiculteur. Les scientifiques français ont confirmé que la meilleure façon de verser du champagne est sur le côté d'un verre placé à angle. Donc on a vraiment fait une étude pour ça, pour déterminer à quel degré verser le champagne. Ok. Et c'est ça. C'est un verre penché, puis sur le côté. En fait, ça a l'air qu'ils ont fait 10 fois l'étude. Ouais. Parce que quand il était rendu au bon angle, avec cette bonne technique-là, il était tout sous. Puis il s'en souvenait plus le lendemain. Fait qu'il fallait qu'il recommence. C'est pas sûr que ça va marcher, il faudrait que je le refasse. Faut que je le refasse. Un pigeon voyageur de la Première Guerre mondiale, Homing Pigeon, pigeon voyageur, celui qui amenait les messages, a sauvé 194 hommes en continuant son vol après avoir perdu une jambe, une patte, un œil, et après avoir été tiré dans la poitrine. Il a quand même continué son voyage pour envoyer le message et ça a sauvé 194 hommes. Incroyable. Ça, là, le meilleur ami de l'homme, le chien. Wow! Ouais, c'est ça. Le pigeon voyageur. Le pigeon. Pigeon. On devrait faire un film là-dessus. Oui. Ils mettent une voix off sur ce pigeon. Mm-hmm. Et qui jouerait dans ce film-là? Attends un peu, je sais pas qui. Pigeon au sort! L'acteur va être pigeon! Généralement, plus élevé est le cholestérol d'un chien, plus il y a de chances qu'ils vont chasser leur queue. Surtout lorsqu'elles sont femelles. Oui, okay. Tu viens de faire le move qu'un chien ferait en te faisant aller la tête. Oui. Ou une fille qui fait une annonce de shampoing. C'est oui. Tu l'as pas fait au ralenti. Non, c'est ça. Fais le ralenti. Mais là, c'est pas le vrai ralenti. Ça prendrait que. Faudrait que tes yeux fassent du focus. C'est comme un caméléon. Oui. Dans deux sens différents. Donc, plus le cholestérol d'un chien est élevé, plus il y a de chances qu'il chasse sa queue. Mais ça, c'est selon une étude de corrélation douteuse. Oui, quand même, hein. La cire d'oreille. L'humidité de la cire d'oreille, c'est le fun qu'on parle de ça le matin comme ça, oui. Est déterminée par un seul et unique gène. 97% des Européens ont une cire d'oreille humide. Okay. Et 95% des Asiatiques de l'Est, East Asians, ont une cire d'oreille sèche. Okay. C'est quelque chose. Ben oui. Puis est-ce que si tu la laisses tremper un petit peu dans l'eau, est-ce que ça devient humide puis ça gonfle? Ça fait du poté. Après ça, tu peux patcher des trous dans ton mur avec ça. Et tout. Et finalement, pour cette première partie, le rôle du capitaine Jack Sparrow dans Le Pirate des Caraïbes, à l'origine, a été offert à Jim Carrey, mais il l'a refusé pour jouer dans Bruce Tout-Puissant. OK? Le film qu'on se souvient plus. C'est ça. Mais Jack Sparrow est un personnage qu'on connaît encore aujourd'hui. Il y a eu d'innombrables suites et Johnny Depp est rendu une vedette. Je sais pas si, je pense qu'il était pas mal vedette avant ça, mais c'est là quand même encore plus rendu populaire. Dans ce rôle-là. Voilà. Ah, c'est tout pour cette première partie. Une deuxième tantôt pour notre collègue, c'est un fait. Mais avant ça, on s'en va entendre une autre pièce musicale. Oui, oui, on joue de la musique ici. Oui, c'est vrai. On commence mollo l'émission encore une fois. Et tantôt, on a parlé de chandelles qu'on pouvait voir à des kilomètres à la ronde, même dans le noir, à cause de nos yeux humains. Ça m'a fait penser à l'artiste Candle. Ah oui. Que voici avec Demon. Candle. Comme une chandelle. Ah, ben oui, Mathieu, j'avais compris. Là. La cire de rein, tu peux faire des chandelles, ça. Oui. Ça me semble. Candle Demon. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. On va faire ça très rapidement et vous allez voir, il y a de l'écrapou, c'est assez glauque et bien divertissant. Quoique des fois un petit peu spécial. Hein? Quand on dit ça goûte spécial, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement bon, hein? On le sait. Donc, le chien de sa voisine urine sur la roue de sa caravane et le massacre. OK. Selon le quotidien Libre, les faits remontent au 28 mars et se sont déroulés avenue de Heidelberg à Montpellier. C'est un habitant de Montpellier âgé de 47 ans qui a été arrêté mercredi par la police. Il est soupçonné d'avoir tué d'un coup de feu le Yorkshire de le Yorkshire de sa voisine. Donc, c'est la propriétaire du Yorkshire qui a découvert son toutou mort dans un buisson. Le chien aurait été d'abord frappé à coups de bâton avant d'être achevé à coups de feu. Oui, d'un coup de feu. Au terme d'une rapide enquête menée ce week-end et en début de semaine, les policiers sont parvenus à identifier l'auteur des faits. Lors de son interrogatoire, l'homme aurait indiqué aux policiers avoir tué le petit chien car ce dernier avait uriné sur la roue de sa caravane garée devant son immeuble. Pisse pas sous ma roue, hein, c'est ce qu'on peut retenir. Ici aussi, encore beaucoup plus glauque, c'est une dame qui a payé un gang pour couper le pénis de son ex-fiancé. C'est une jeune Brésilienne qui fait appel à un gang pour qu'il coupe le pénis de son ex-fiancé. Il faut dire que l'homme a annulé son mariage 3 jours avant le jour J. Effondrée, Myriam Priscilla a décidé de le faire souffrir, mais aussi de manière plus radicale. Ce qui est particulier, elle se nomme Myriam Priscilla Castro. Donc, elle n'a jamais aussi bien porté son nom. Hein? Son plan machiavélique, c'est payer 3 hommes pour qu'ils mutilent le jeune garçon. Une semaine après la date du mariage, Wendell Souza, son ancien petit copain, a ainsi vu débarquer 3 hommes qui lui ont coupé le pénis avec un couteau. De plus, la victime a vu sa maison incendiée et sa voiture inondée. OK. Myriam a écopé de 6 ans de prison ferme et son père a été accusé de complicité pour lui avoir trouvé le gang. La jeune demoiselle a une plastique assez intéressante, hein, même si c'est une folle, finalement. Vraiment, wow, assez décevant. Mais je pense que c'est aussi bien pour lui que ça soit pas marié avec. Hein. Imaginez ce qu'elle aurait pu faire. Vraiment. Autre image de la semaine dernière qui a fait vraiment parler beaucoup sur le web, eh bien, c'est une vidéo partagée sur les réseaux sociaux Facebook. C'est une Néerlandaise qui a été filmée en train de brutaliser sa fille pour l'obliger à manger. Une séquence qui soulève l'indignation des internautes. La vidéo a été rendue publique par un certain Hafet Pamuk qui se revendique être le père de la petite fille. Il explique qu'il se bat pour la récupérer, donc la garde de ses enfants qui lui ont été confiés à leur mère. Les images auraient été tournées peu avant la séparation du couple pour prouver le comportement violent de son ex-femme. Vous allez voir les images? Tu la manges, ta soupe, hein? Ça, c'est clair. Ici aussi, vraiment, je vous le dis, on débute avec un matin particulier, hein? Assez rough lundi matin. Je vous parle de Roxana Valdez Caro, 39 ans, qui a démembré et fait cuire son compagnon de 43 ans pour une histoire d'argent. Roxana lui a reproché de lui avoir volé 10 000 $ et dans un excès de rage, elle a saisi un pistolet puis a tiré sur Claudio Munoz Ramirez, le tueur d'un coup. La Chilienne a ensuite voulu se débarrasser du corps en le faisant cuire dans une marmite après l'avoir démembré. Une fois la cuisson terminée, elle a mis le tout dans un sac poubelle qu'elle a jeté dans la décharge publique. Prise de remords, Roxana Valdez Caro s'est finalement rendue à la police. L'accusée a confessé avoir tenté de faire disparaître son compagnon et elle a expliqué qu'elle avait effectué cette macabre disparition en imitant dans les moindres détails une série policière. Wouf, hein, c'est... Ouais, OK, c'est bon. Ici, assez particulier, est-ce que c'est vrai, là? On ne le sait pas. Mais le titre, c'est des enquêtes policières qui ont lieu en Angleterre parce que des islamistes, semble-t-il, pourraient être en contrôle d'écoles publiques ou en tout cas, seraient sur le point de prendre le contrôle de cela. Le gouvernement britannique a envoyé les inspecteurs enquêter dans 15 écoles de Birmingham, dans le centre de l'Angleterre, soupçonnés d'être en train de passer sous le contrôle de musulmans radicaux. C'est ce qu'a annoncé dimanche le ministère de l'Éducation. Les soupçons sont nés d'une lettre anonyme reçue il y a quelques mois à la mairie de Birmingham. Buckingham, soutenant que des islamistes s'employaient à changer les instances dirigeantes dans 4 établissements scolaires publics pour imposer leur vue. Des accusations anonymes ont aussi émergé sur l'existence alléguée d'une ségrégation entre filles et garçons en classe et de harcèlement moral dont serait victime le personnel qui est non musulman. La mairie de la deuxième ville britannique, dont la population est de 22 % musulmane, a aussi décidé de se pencher sur des accusations et de geler temporairement le recrutement de directeurs d'école. L'affaire a conduit le ministère britannique de l'Éducation, Michael Gove, à ordonner des inspections dans 15 établissements de la ville. Les accusations faites à propos de plusieurs écoles de Birmingham sont très graves, a souligné un porte-parole au ministère de l'Éducation. Nous sommes en train d'enquêter sur tous les éléments qui sont rassemblés par l'OSTFED, institution chargée d'inspecter les établissements scolaires. La mairie de Birmingham et la police, a-t-elle ajouté, refusant de faire davantage de commentaires à ce stade. Il est absolument essentiel que ces enquêtes soient conduites de façon impartiale et sans préjugés. C'est clair, hein? Comme je disais tantôt, on n'est pas pour partir à la chasse aux sorcières. Selon le Sunday Times, le ministre est déterminé à sanctionner les écoles où le conservatisme religieux fait obstacle à l'apprentissage et à une scolarité équilibrée et à remplacer les dirigeants des écoles qui seraient épinglés. Épinglé. Ces mesures font suite à des déclarations au début du mois par le premier Davis de Cameron qui a promis la fermeté sur ce sujet. Nous n'accepterons pas qu'une école puisse être gérée par des extrémistes ou puisse pouvoir avoir des idées extrémistes, avait déclaré le chef du gouvernement lors d'une visite à Birmingham. Nous ne laisserons pas cela se produire dans notre pays. Ce mois-ci, 10 députés de Birmingham ont exprimé leur inquiétude à propos de ces soupçons dans une lettre au ministère de l'Éducation. Mais l'un des administrateurs de plusieurs des écoles mises en cause dans les médias, David Hugh, a démenti ces accusations en dénonçant une chasse aux sorcières. Il a affirmé cette semaine sur la BBC qu'en 15 ans à Parkview School, il n'avait jamais été confronté à la moindre plainte pour des extrémistes. Alors, c'est une histoire à suivre. Et ici, une vidéo qui fait scandale d'un bébé qui fume un joint. Et bien sûr, ça affole le web. Pour une fois, peut-être une petite raison aussi, mais bon, on va aller voir ce qu'il y en est. Cette vidéo qui montre un bébé fumant un joint risque de mettre à mal vos certitudes. Elle a provoqué un bad buzz géant après sa mise en ligne le 11 avril dernier. Cette petite vidéo Vine publiée de façon banale est en train de faire un énorme bad trip dans le monde entier. Et pour cause, on le montre simplement un bébé en train de fumer. Résultat, la vidéo a très vite enflammé la toile. C'est le 11 avril qu'un internaute se faisant appeler Chief Smoke, que l'on peut traduire par « fumeur en chef », eh bien, à poster cette vidéo, on y voit un bébé assis sur une cuvette des toilettes et portant un chandail de Mickey Mouse, fumer un joint de marijuana. La séquence est très courte, mais on peut quand même entendre les rires des parents au moment où l'enfant exhale la fumée. Depuis, la vidéo a été retirée, mais le mal était déjà fait puisqu'elle a été retweetée à plus de 39 000 fois et se retrouve aujourd'hui sur de nombreuses plateformes de vidéos. Les internautes indignés se sont organisés afin de trouver les auteurs de cette vidéo et un utilisateur du réseau social Reddit a tout de suite réagi. Après avoir vu ça, j'ai immédiatement téléchargé la vidéo, j'ai fait des captures d'écran et signalé au CPS, Service de la protection de l'enfance de Californie, car c'est de là que l'utilisateur vient à expliquer au Huffington Post avant d'ajouter « Ce n'est pas un environnement pour un enfant, il a besoin de bons parents, pas de personnes qui lui font du mal ». Égard à celui qui diffuse la vidéo, puisqu'un internaute, Nikki Wavy, a lui aussi été la cible de critiques après avoir proposé la vidéo sur son propre compte Vine. Il s'est alors vivement défendu. « Je ne fume même pas d'herbe. J'en donnerai sûrement pas un bébé. Sérieux, les parents n'ont pas encore été identifiés. » Mais les internautes du monde entier restent mobilisés. En 2010, une autre vidéo montrant un enfant avec une cigarette au bec, oui, avait fait scandale. Celui-ci pouvait fumer jusqu'à 2 paquets par jour. Pour rappel, le tabac est la première cause de mortalité évitable en France, avec plus de 70 000 morts par année. Il réduit l'espérance de vie de 10 à 15 ans. Quant au cannabis, il est encore plus nocif que le tabac et est interdit à la consommation. Ça, par contre, c'est un peu n'importe quoi de dire que le cannabis est plus nocif que le tabac, par contre. Là, c'est selon leur dire à eux, leur lobby à eux. Tiens, ici, on parle de Usain Bolt versus un guépard. Qui serait le plus rapide? Moi, je vous le dis, le guépard, c'est clair qu'il est plus rapide. Hein? Usain Bolt a beau être actuellement l'homme le plus rapide du monde face à un guépard, celui-ci ne tient pas la route. Doté de capacités exceptionnelles pour la course, le guépard est en effet imbattable au sprint, comme vous le montrer cette petite expérience. Donc, c'est une vidéo que je vous invite à aller voir, donc, qui propose la course entre un guépard et Usain Bolt, hein, triple champion du monde en 2008 à Pékin, puis en 2012 à Londres. Il est sacré triple champion du monde en 2009 à Berlin et à Moscou. À 27 ans, Usain Bolt ne semble pas avoir autour de lui de concurrents sérieux. Pourtant, si aucun humain, pour le moment n'est capable de le battre, eh bien, l'animal, lui, peut aisément le distancer. Vous irez voir ça. C'est très, très drôle de voir ça. C'est en infographie. On a vraiment inséré un guépard à la ligne de départ du 100 mètres, exemple. Et puis, on voit vraiment qu'il n'y a aucune chance pour les humains de se battre contre un guépard. Ici, tiens, on parle de cet homme ivre qui tente d'escalader une barrière complètement inutilement. Hein? Alors, je vous invite à aller voir cette vidéo tout à fait loufoque. Donc, les hommes ivres et Internet, voilà une grande histoire d'amour qui pourrait bien mettre mal l'omniprésence des chats sur le site de partage de vidéos, souvent ridicule, parfois exaspérante. Ces personnes qui ont bu 1 ou 12 verres de trop, hein? En effet, on se trouve souvent le moyen de faire parler d'elles sur le web. C'est le cas de notre ami ici, venu de Russie, visiblement bien éméché après avoir, on l'imagine, bu quelques verres de trop. Cet homme se retrouve dans ce qui semble être un square. Et se voit bloquer le passage par une grille récalcitrante. Mais là où un individu normal ou tout simplement en pleine possession de ses moyens va analyser simplement la situation et trouver l'issue facilement, eh bien notre homme un peu trop pompette va se compliquer la vie de manière incroyable. Assez bêtement, il commence par essayer de passer entre les barreaux, de toute évidence beaucoup trop serrés pour lui permettre d'atteindre l'autre côté. Après quelques minutes bloquées dans cette voie, il trouve le moyen de faire plus bête, mais surtout plus dangereux en se transformant en un escaladeur de l'extrême. Il tente alors d'escalader la grille par tous les moyens et il frôle alors presque le génie, hein? Parvenant par chance à s'appuyer sur la poignée de la porte, il doit malheureusement s'incliner face au haut de la grille, bloqué par son manque de souplesse. Il ne s'arrête pourtant pas en si bon chemin, étant une technique très étonnante consiste à placer un pied au sommet tout en restant en équilibre. Arrive alors un enfant revenant visiblement des courses et totalement désabusé face à cet homme plus malin mais surtout plus sobre. Il trouve aisément la solution à ce problème à première vue insolvable en passant 2 mètres à côté entre 2 barreaux plus espacés. Cela est fait, notre ami ivre semble se sentir fort logiquement bien ridicule et finit par redescendre la barrière. Il pourra tout de même se consoler en se disant qu'il risque de devenir une star du web malgré lui, hein, on peut le dire. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. Cet assemblage requis, on était en plein milieu de C'est un fait, donc on continue avec une autre petite partie. Mm-hmm. Et allons-y avec un homme de 30 ans qui a coupé sa main, a dit au docteur de ne pas la sauver, et ensuite poursuivi pour 3 millions de dollars pour ne pas avoir réinstallé sa main. Ouais. Il pensait que ça allait marcher comme ça, lui. Ben oui, c'est ça. C'est pourquoi pas? Hein? Ouais. Voyons donc, faudrait être fou pour pas l'essayer. Thomas Passmore. Le médecin n'a pas eu de misère à imiter sa signature, il a juste eu à prendre sa main, il s'est enlevé. Puis... c'est de mauvais goût. Oui, mais drôle. Thomas Passmore avait 30 ans quand il a délibérément coupé sa main droite à un site de construction à Kill Devil Hills en Caroline du Nord. Ses collègues de travail ont vu ce qui s'est passé, ont sauvé la main, sauvé la main, c'est comme une expression. Oui. Sauvé la main. Ils ont donné un coup de main, comme on dit, dans une boîte genre un cooler, si on veut. Passmore a été amené à l'hôpital Norfolk General où donc il a accepté la chirurgie, a signé le consentement, le formulaire. Par contre, une fois arrivé dans la salle d'opération, il a changé d'idée. Il a dit au docteur Tad Granga, je cite, « Si vous la recousez, si vous la remettez en place, je vais la recouper. » Donc, Granga, ça c'est le docteur, a refermé la plaie, mais n'a pas rattaché la main parce que Passmore lui avait dit qu'il voulait pas qu'on la rattache pour des raisons religieuses. Donc, en 97, Passmore a poursuivi St. Aaron Norfolk General Hospital et le chirurgien Dr. Tad Granga de Portsmouth en Virginie pour 3 millions de dollars pour ne pas avoir réattaché sa main. Il a dit qu'il était en période psychotique, donc qu'il était... il avait perdu un boulon, si on veut, quand il avait coupé sa main, quand on avait demandé de ne pas la rattacher. Et le docteur n'aurait pas dû l'écouter. Il a dit que le gars qui voyait des 666 partout sur sa main droite, ce qui voulait dire que sa main était possédée. Donc, Passmore avait une historique d'alcoolisme et de désordre psychotique dans son passé. Et le docteur a juste suivi les instructions du patient, mais bon... On sait-tu qui a gagné? Attends un peu, ben non, ça me dit même pas. Ah, c'est encore en cours. Je suis outré, je suis outré. Mais ouais, probablement que c'est toujours... je sais pas. Ah ben, ça te dit. C'est pas grave. C'est triste, hein. Dans 25% des cas de ce qu'on appelle exonération par ADN, donc les gens qui sont, dans le fond, les gens innocents, vont faire vont dire des choses qui les incriminent. Ces gens-là, 25% du temps, ont confessé à quelque chose qu'ils n'avaient pas fait. Donc, dans le fond, l'ADN les prouvait qu'ils n'étaient pas coupables. Okay? Et 25% de ces gens-là se sont quand même incriminés et ont quand même accepté la sentence et ils se sont dit eux-mêmes coupables. La potence. Donc, selon le Innocence Project, il y a une multitude de raisons derrière ça. Donc, et c'est pour ça qu'ils pensent, eux, chez Innocence Project, que toutes les interrogations devraient être filmées. Il a été prouvé qu'il y a moins de fausses confessions ou d'admission de culpabilité si l'interrogation est surveillée de façon électronique, donc filmée. Ce qui prouve que les confessions ne sont pas toujours véridiques et non véridiques, voyons, ils n'ont pas nécessairement rapport avec la culpabilité. Des fois, c'est motivé par des influences externes. Certaines fausses confessions peuvent être expliquées par l'état mental de la personne qui se confesse. Les enfants, par exemple, sont faciles à manipuler et ne vont pas toujours comprendre la situation dans laquelle ils se retrouvent. Les gens qui ont un handicap mental se sont souvent confessés parce que les interrogateurs ne recevaient pas d'entraînement spécial, donc ils ne se faisaient pas coacher par rapport aux handicaps mentaux. Donc, ils ne savaient pas comment gérer ça. Même les adultes capables mentalement, donc qui ont toute leur tête, vont des fois donner de fausses confessions à cause de... ils sont épuisés après une longue période d'interrogation. Et des fois, ils vont même commencer à croire que s'ils se confessent, ils vont être laissés tranquilles, ils vont pouvoir plus tard prouver leur innocence. Donc, okay. Je vais dire, bon, je suis coupable tout de suite, ça va arrêter, je vais pouvoir aller me coucher. J'allais me reposer. Penser à ça et me ressortir. C'est parce que c'est mon programme dans 20 minutes, là. Il m'empêche pas de voir mon programme. Je manquerai pas à voix, là. Hey. Hey, comment? C'est la finale. C'est ça. le Vermont a une loi qui empêche d'autres lois. OK. Bizarre, mais des fois, ceux qui inventent les lois, qui décident les lois, peuvent s'emporter un peu. Dans l'État américain, évidemment, du Vermont, il y a une loi qui empêche d'autres lois de se former. Dans un cas particulier, la loi a rapport avec les propriétaires et qui ont le droit d'utiliser des appareils pour économiser de l'énergie. OK. Et la loi dit que s'il y a une autre loi qui est écrite pour empêcher les propriétaires d'utiliser, par exemple, un truc d'énergie solaire, des lignes, des trucs pour attacher les vêtements, une corde à linge, des trucs comme ça, et d'autres appareils pour sauver de l'électricité, économiser de l'électricité. C'est non valide. Ce serait non valide. On n'a pas le droit d'empêcher ça. Donc, quelqu'un qui ferait une loi contre ces appareils-là, dans le fond, enfreindrait la loi. Eh bien. C'est ce que ça veut dire. Et voilà. La plus longue sentence de prison. Est-ce que j'avais dit au début du bloc que c'était un bloc sur la loi aujourd'hui? Non, hein? Non, c'est un bloc sur la loi. Okay. Donc, la plus longue sentence en prison à jamais avoir été demandée était de 384 912 ans, mais pas pour un crime violent. C'est en 1972, un homme espagnol de 22 ans, nommé Gabriel March Grandos, a reçu une sentence de 384 912 ans en prison. C'est la plus longue sentence à jamais avoir été donnée. Il n'est pas coupable de meurtre ou d'un autre cas de violence grave. À la place, il a été puni pour ne pas avoir livré 42 768 lettres en tant que facteur. OK. Ouais, c'est un facteur à... C'est quoi, atténuant. Oui. Facteur atténuant, c'est ce que je faisais. C'est quoi, ils ont donné ils ont donné deux jours par lettre? Je pense que c'est ça, il faudrait faire le calcul, mais à peu près, ouais. Ouais. Donc, l'homme a été accusé de fraude pour avoir perdu les lettres. La deuxième plus longue sentence en prison à avoir été donnée était en 1989 en Thaïlande, où Chamoy Tipayason. Il s'est trouvé coupable de fraude. Il a fraudé plus de 16 000 Thaïlandais dans une aventure pyramidale d'une valeur de 204 millions. Tipayason a été reçu une sentence de 141 078 ans. Et aux États-Unis, la plus longue sentence à avoir été donnée, c'est 30 000 ans à un violeur d'enfants d'Oklahoma, Charles Scott Roberts. Lui, pas nécessairement le même genre de crime, tu sais. Oui, j'imagine ta réaction que tu peux avoir lorsque tu es assis dans le banc des accusés. Donc... Hein? J'attends la blague. Oui, mais non, mais je sais pas. Il va falloir que tu la construises avec moi. OK. Tu sais, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que tu fais? Tu dis-tu, je vais compter les jours en faisant une marque sur mon bras à chaque fois? 30 000 jours. Oui. 30 000 ans? Tu te retires un poil par jour du corps. Wow! Ouais. Je sais pas. Tu balais tes soucis en dessous du petit paillasson. Du petit paillasson. Tu sais, en dessous du tapis, comme quand tu fais le là, tu dis à tes amis, bon, on se revoit en sortant. C'est ça. Sur un tapis est marqué bienvenue. Okay. Oui. Un autre histoire de tête. Ça prendrait des mois et des années pour lire les terms and conditions. C'est les textes qu'on vous montre à l'avant-scène lors d'une installation de logiciel. OK. T'installes le logiciel, il y a un petit texte qui dit bon, est-ce que j'accepte, est-ce que je refuse, tout ça. Les terms and conditions, on voit ça dans les publicités, on voit ça sur les sites web, n'importe quand. Mais les end user license agreements, ce qu'on appelle le EULA, les terms and conditions et les privacy policy, peu importe comment ça s'appelle, c'est des textes légaux qui sont présentés. Il faut accepter ça avant de faire quelque chose. La plupart des gens vont juste descendre jusqu'en bas, cliquer sur « Je suis d'accord » et continuer leur journée. Mais il y a une bonne raison pour ça. Les chercheurs de Carnegie Mellon University ont récemment fait une étude pour savoir combien ça prendrait de temps à une personne moyenne pour lire toutes ces affaires-là dans leur vie. Donc, ils ont pris les chercheurs, les 75 sites web les plus visités, ont analysé leur privacy policy et ont découvert que le document moyen avait 2514 mots de longueur. Ensuite, ils ont ajouté le temps que ça prendrait non seulement pour une personne de lire le document, mais aussi combien de temps ça prendrait pour y comprendre les termes. Parce que là, c'est bien beau lire, mais comprendre, c'est autre chose. Les résultats sont dérangeants. Ça prendrait une personne moyenne 76 journées de travail complète pour lire ces privacy policies-là. Ça veut dire 15 semaines de travail que tu aurais à dédier pour s'assurer de comprendre chacun de ces sites-là et comment ils vont traiter vos informations privées. Mm-hmm. 76 jours de travail. Ben, ben, t'imagines, au travail, c'est comme, oh, qu'est-ce que tu fais cette semaine? Oh, ben, j'installe un nouveau logiciel, là. Ils m'ont demandé de faire des réseaux sociaux, fait que je vais être sur Facebook. Ça va prendre 15 semaines. C'est ça. Et t'as vu qu'ils ont surveillé 75 sites web et ça a pris 76 jours complets si tu calcules tout ça. Ce qui veut dire une journée complète de travail. C'est quand même intense. 8, 9 heures, peut-être même 10 heures de lecture par site. Ouais. Aux États-Unis, on revient en prison, toujours sur un petit bloc thématique sur la loi et les illégalités. Hein. Ah. Donc, aux États-Unis, un enfant sur 28 a un parent en prison. OK. Les États-Unis, donc, qui a le plus haut taux d'incarcération dans le monde, avec 754 personnes par 100 000 qui est en prison. Et ça exclut ceux qui sont en probation, donc qui ne sont pas en prison, mais qui sont quand même restreints dans leur mouvement. Les États-Unis sont responsables de 5% de la population du monde dans la vraie vie. On parle de tous les humains en général. Mais ils ont 25% des criminels du monde. Quand même. Un coût de 60 milliards de dollars par année. Quand même. Encore pire. donc, à n'importe quel moment, il y a environ 7 millions de personnes qui sont sous le contrôle du système justicier, de la justice judiciaire américain. Ce qui veut dire une personne sur 32 qui est soit en prison ou soit en probation. Là, on inclut les gens en probation. Même si l'incarcération dans le monde est une façon acceptée, donc de réhabiliter les criminels, ça a un effet secondaire négatif. Et on l'a mentionné en introduction, c'est qu'un enfant sur 28 aux États-Unis a un parent en prison. Oh. C'est beaucoup. Ensuite, un homme innocent est mort en prison pour un crime qu'il n'a pas connu. Connu. Il l'a sûrement pas connu s'il l'a pas commis non plus. Hein? Donc, payer le prix ultime pour quelque chose que tu n'as pas fait, c'est sûrement la chose la plus frustrante au monde. Hein? C'est exactement ce qui s'est passé à Tim Cole quand il a été accusé d'avoir violé un étudiant en 1985. Après avoir passé un séjour dans l'armée, Cole est revenu à son collège Texas Tech de Lubbock, où un jury l'a trouvé coupable de viol. Ce qui l'a amené pendant 25 ans en prison. On lui a offert l'approbation s'il admettait sa culpabilité, mais il a refusé de le faire à ce moment-là, disant évidemment qu'il était innocent. Le 2 décembre 1999, il est mort pendant une attaque d'asthme après 14 ans en prison. Ouais. En 1995, Jerry Wayne Johnson a admis avoir commis ce viol-là. Et la victime a aussi dit s'être trompée d'identité parce que le violeur fumait et qu'on n'avait jamais touché une cigarette à cause de son asthme. Il l'a dévoilé. Wow. Ah. Étant donné tout ça, la famille et la victime ont cherché à, dans le fond, comment dire, clairer son nom, on va dire. Oui, même. Oui, oui. Hein, c'est ça, blanchir. Blanchir, oui. Wow. Ils ont finalement réussi en 2009, renversant la charge contre lui, dans le fond, l'accusation, si on veut. Ils ont fait vider le dossier de Cole de toute accusation. C'était la première exonération, on a parlé tantôt d'exonération via ADN au Texas. Donc voilà. Le vrai violeur, lui, est maintenant en prison à cause de deux autres viols en 1985, mais pas celui-là, parce que à cause du Statute of Limitations, j'étais allé voir un petit peu sur Wikipédia. Il y a quelqu'un qui était déjà accusé. C'est exact. Une deuxième personne ne peut pas être accusée du même crime. Ça, c'est bizarre. Hein? Ouais. C'est possible d'avoir tous les droits d'un citoyen américain, mais de ne pas avoir à suivre les lois. OK. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment étrange. Mais il y a deux façons de devenir un citoyen américain. Soit tu nais citoyen, dans n'importe quel territoire américain, ou sinon, un de tes deux parents sont, dans le fond, qui soient eux-mêmes citoyens américains. Ou encore, tu prends des cours et un examen pour devenir un citoyen naturalisé, qu'on appelle, après avoir passé un petit peu de temps aux États-Unis. Ouais. Donc, être un citoyen américain, ça te donne une tonne de droits et de privilèges, dont le plus important, probablement, avoir un passeport, avoir un numéro d'assurance sociale, etc., etc. Par contre, tu dois aussi suivre les lois des États-Unis pour pouvoir garder tes droits-là et tes privilèges, sauf sous une condition. Si tes parents sont des diplomates étrangers et que tu es né aux États-Unis, tu pourras avoir les privilèges d'un citoyen américain et garder l'immunité diplomatique. Quand le 14e amendement a été écrit, on spécifiait qu'aucun sujet d'un gouvernement étranger ne pouvait gagner la citoyenneté. Par contre, étant donné que les hôpitaux ne demandent pas aux parents s'ils sont des diplomates étrangers, chaque enfant qui naît aux États-Unis reçoit un certificat de naissance américain et un numéro d'assurance sociale, mais ne peut pas être arrêté pour un crime. Donc, ça fait d'eux des super citoyens. Wow! Hein? Ah, j'aimerais ça être ça. Wow! Comme un super-héros. Ben oui. Un super-vilain en même temps. Sûrement, tu pourrais être. Ben, tu pourrais faire ce que tu veux. Tu utilises tes pouvoirs pour le mal ou pour le bien. Hein? Oui. Bon. Au Japon, il y a des lois qui donnent aux travailleurs des jours de congé additionnels comme bonus. Plusieurs pays autour du monde ont ce qu'on appelle des fêtes publiques, donc une fête qui est observée partout au pays et où les employeurs doivent absolument donner un congé à leur équipe. Mais les gens qui sont très chanceux au Japon ont quelques lois qui vont avec ces fêtes publiques-là. Par exemple, si une fête tombe un dimanche une certaine année et ensuite la fête a lieu, donc on va avoir une transfer holiday, donc on va prendre le lundi de congé à la place. Aussi, si deux fêtes sont séparées par une seule journée, donc la journée sandwich est déterminée aussi comme étant une journée de fête. Oh. On appelle ça Citizens Holiday, okay. La fête des citoyens. C'est quand ça tombe entre deux jours donc fêtés ou en tout cas de congé. Il y a une de ces fêtes de citoyens-là qui est prise à chaque année. C'est le Japanese Greenery Day qui tombe le 4 mai et la journée des enfants tombe le 6 mai. Donc, selon la loi, le 5 mai chaque année est aussi une fête bonus au Japon. Mm-hmm. Puis là, si on suit c'est un feu en rafale avec oui. Les journées. Oui. Ben, c'est toujours la fête de quelque chose. Toujours. On pourrait toujours être en congé, c'est Mathieu. Ça. Ah, yeah! Ce serait le fun. Ah, oh, la belle vie. La fête du Nutella. La fête de la bière. le chatouillement, c'est une forme de torture dans certains endroits et ça peut même mener à la mort. Mon Dieu. En fait, les Japonais et les Allemands l'utilisaient sur les criminels pendant la Deuxième Guerre mondiale. La torture par chatouillement est une forme de torture utilisée partout sur la planète. Dans le fond, elle était utilisée partout sur la planète. Et c'était quand même assez efficace. On a documenté ça, ou en tout cas écrit des textes là-dessus, dans des pays comme l'Allemagne, le Japon, l'Angleterre et les États-Unis. Donc, dans les camps de concentration Flossenbürg pendant la Deuxième Guerre mondiale, un homme a été témoin de gardes de prison nazis qui faisaient de la torture par chatouillement sur des gens qui étaient emprisonnés, suivi par plusieurs autres façons de torture, ce qui ont mené, dans le fond, ces méthodes-là ont mené à la mort de la personne. Il chatouillait la victime avec des plumes de goose. Goose, c'est... C'est pas une noix? Non, pas une noix, c'est un faisan. Quelque chose comme ça, hein? Ouais, je pense que c'est ça. En tout cas, une volaille? Oui, quoi? Une volaille. Donc, c'était sur le dessous de ses pieds, entre les jambes, en dessous des bras et sur d'autres parties de son corps nu. Donc, c'est ça. Ben, il arrêtait pas de rire super aigu. Et rapidement, ces rires-là se sont changés en cris de douleur. Au Japon, anciennement, le shiké, qui est une punition privée qu'on appelle, était réservée pour ceux qui avaient commis des crimes à l'extérieur du code criminel. Donc, une de ces tortures-là était le kusuguru zimi, qui voulait dire le châtiment sans merci. Oh! Wow. Le chatouillis sans merci. C'est un beau nom d'émission, ça. Oui. Le chatouillis sans merci. À New York, il y a une loi contre l'alcool, c'est ça. Donc, à New York, il y a seulement 4 heures par jour où l'alcool ne peut pas être servi. C'est entre 4 heures et 8 heures du matin. C'était fait pour accommoder la vie nocturne à New York et les gens qui travaillaient tard le soir. Donc, l'État de New York n'a aucune loi contre les gens qui seraient sous en public, mais c'est illégal d'avoir un contenant ouvert d'alcool sur un trottoir public, sur une route ou dans un parc dans l'État de New York. Boire en public a été rendu illégal dans l'État de New York, donc par Ed Koch en 1979. L'intention originale de cette loi-là était d'empêcher les comportements antisociaux et les gens sans-abri qui allaient se rassembler dans les parcs et sur les trottoirs. Donc, c'est pour ça qu'on les empêchait entre 4h et 8h de boire en public. Bon. Si le président James A. Garfield n'avait pas été tiré, fusillé, on n'aurait peut-être pas d'air climatisé et de détecteur de métal. Okay. Le 2 juillet 1881, à 9h30, le président James A. Garfield a été tiré par Charles J. Guido. Encore un autre gars avec J comme deuxième nom. G. Donc, Guido a décidé que Dieu lui avait demandé de tuer le président et donc a dit « Je laisse ma justification à Dieu ». C'est ce qu'il avait dit avant de le tirer. Le président n'est pas mort immédiatement. Il a souffert pendant 11 semaines. Pendant cette durée de temps-là, cette période-là, deux inventions majeures sont arrivées pour essayer de l'aider à s'en remettre. Pour commencer, pour essayer de soulager la chaleur de l'été de Washington, les ingénieurs de la marine ont construit une version vieillotte, si on veut, de l'air climatisé qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est des ventilateurs qui envoyaient de l'air sur une grosse boîte de glace jusque dans la chambre du président, qui était capable de baisser la température de son corps de 20 degrés environ. Quand même. Avec des blocs de glace. Ensuite, Alexander Graham Bell. Tu connais peut-être Alexander Graham Bell. Déjà entendu parler. Un petit nobody. A inventé un détecteur de métal spécifiquement pour être capable de trouver la balle de fusil. À l'intérieur du corps de Garfield. À cette époque-là, les docteurs ne croyaient pas en la stérilisation de leurs mains avant de travailler sur les patients. Donc, ils touchaient vraiment aux plaies du président avec leurs doigts sales pour essayer de trouver la balle. Ils croyaient pas ça, la stérilisation. malheureusement, le lit de métal de James Garfield... Ça fait en sorte que ça sonnait tout ça, tout le temps. C'est ça, ça fait mal fonctionner l'appareil. Ah. C'est vraiment ça. C'est triste. Hein? Oui, c'est triste. Le lit de métal, quelle drôle d'idée. Le président James E. Garfield, donc, est décédé le lundi 19 septembre 1881. Il y a une ville de 5 personnes qui existe seulement pour jouer au golf le dimanche. Wow, Golf Town! C'est Golf Town. Après Ski Town, Ski Town. donc, le borough de Tavistock. Donc, borough en français, je me rappelle pas c'est quoi, mais c'est un genre de pâté de ville, un bout de ville. Donc, de Tavistock a été créé seulement pour qu'un petit country club puisse ouvrir pour jouer au golf le dimanche. Okay. Au début des années 1900, le Haddon Country Club... Donc, était gouverné par une loi qui empêchait les activités sportives le dimanche. Et évidemment, les gens qui aimaient le golf dans la localité n'aimaient pas ça. Donc, ils ont décidé de se séparer de Haddonfield au New Jersey en 1921 pour créer Tavistock, qui était libre de toutes ces lois-là. Hein? Donc, Tavistock est la plus petite municipalité par population au New Jersey, avec seulement 5 résidents au census de 2010, ben, au recensement. Oui. Donc, c'est pas ceux qui travaillent directement sur le club de golf, eux autres? Peut-être, les employés. Ben oui. C'est une bonne idée, ça, j'aime ça. C'est ça, évidemment, c'est pas trop dur à croire qu'ils ont seulement 5 personnes parce que le borough en tant que tel fait environ un quart de mille de largeur. Donc, c'est vraiment tout petit. Ils maintiennent 0,17 mille de route, 3 maisons, et ils ont leur propre maire. À cause de l'acte Walsh, donc le Walsh Act, qui permet entre 3 et 5 personnes non partisanes, donc ça permet de former un gouvernement. À cause de l'acte Walsh, tu as le droit, si t'es 3 à 5 personnes non partisanes, tu as le droit de former ton propre gouvernement. OK. Et ben. Ben, c'est drôle, ça. C'est très drôle. Bon, oui. Et finalement, un autre gars qui s'est séparé, c'est le prince Léonard Ier, un fermier, il s'appelle vraiment Prince Leonard I, the first, qui s'est retiré de l'Australie pour démarrer son propre pays. Hein, tu sais, si t'as des problèmes avec ton pays, hein, tu peux aller manifester, tu peux écrire des lettres, ou tu peux te séparer pour donner ta propre micronation. Ce qui est exactement ce que Leonard Carsley a fait en Australie quand il s'est disputé avec le gouvernement de l'ouest de l'Australie par rapport au quota de blé. Oui, tu sais, blé, ça je crois, oui. Donc, une chicane aussi ennuyante a fini par créer une petite nation de 29 000 carrés, voilà. La principalité de Hot River en 1970, c'est comme ça que ça a été nommé, Principality of Hot River. Donc, la famille Casley avait 4000 hectares de blé prêts à faire la moisson et tout ça. Lorsque le quota a été mis en place, leur permettant de seulement vendre 40 hectares après avoir rempli un paquet de paperasse et des trucs bureaucratiques, ce qui menait à rien. Casley et ses associés sont allés voir la loi internationale qui leur permettait de déclarer l'indépendance du Commonwealth de l'Australie, même s'ils restent loyaux à la reine Elizabeth II, donc ils étaient quand même sous la reine Elizabeth II. Casey s'appelle maintenant His Majesty Leonard I, the first of Hutt. Donc, c'était évidemment, il n'était pas prince pour vrai, mais vu qu'il a son propre pays, il a pu se nommer lui-même Prince. Sa Majesté. Donc, il a officiellement déclaré la guerre contre l'Australie après que le Australian Taxation Office a demandé des impôts de la part de la province, évidemment, de l'endroit, en 1977. C'est une manœuvre légale pour essayer de lui faire changer d'idée, j'imagine. Les résidents aujourd'hui donc ont toujours des formulaires à remplir par rapport aux impôts, mais sont classés comme des non-résidents d'Australie. Donc, leur argent, leur salaire est exempt de la taxe australienne et ils n'ont pas à payer ça en ce moment. Donc, cette principalité-là, même si elle a sa propre capitale, sa propre argent et tout, même sur leur propre Bill of Rights, la Charte des droits et libertés, là, bon. Ils ont seulement 23 résidents en tant que tels. Bon. Sa principalité. Là. Ils ont-tu des services? Ils payent pas ils payent pas rien? Je sais pas. Ah! Oh. Oh. Ben. 23 résidents. 23. Ouais. Sûrement un petit dépanneur quelque part là-dedans. Ben, j'aimerais ça, tu sais, savoir. À un moment donné, tu sais, cette histoire-là, ce qui s'est passé dans sa tête, là, à ce moment-là, tu sais. Ah, ouais. Bon, non, je suis tanné de payer des impôts, là. Je pars mon pays. Ça va être facile. Comment ça fait que le Québec n'a pas encore fait cette affaire-là? Oui, déniaisez-vous. Je pense pas du tout. Alors, voilà pour cet effet. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez lecfou.ca. replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. On va aller parler de nouvelles qui ont rapport à la nourriture. Et là, notre rapport à la nourriture, il s'appelle McDonald's. Et non, d'habitude, je chiale du McDonald's. D'habitude, on essaie de rire du McDonald's. Là, on va leur montrer qu'ils ont fait un bon coup, McDonald's. Donc, je vous parle de cette vidéo qui décrit le plus délirant drive-in du monde. Donc, le service à l'auto. Hein, chez McDonald's, assez particulier. Donc, c'est pour une opération promotionnelle qu'un restaurant McDonald's autrichien a eu l'idée de remplacer ses employés du McDrive par des acteurs. Le résultat est extraordinaire. Donc, c'est des employés qui s'embrassent au lieu de vous servir, une cantatrice qui vous présente son sundae en chantant, un champion de lutte, hein, une mort vivante ou un astronaute dans sa capsule qui prennent votre commande. Tels sont les personnages qui officient dans un drive-in autrichien, le temps d'une campagne publicitaire. L'idée fait beaucoup rire les internautes et les clients qui affichent des mines déconfites devant les scénettes qui leur sont proposées. La dame qui passe sa commande à une morte vivante aurait sans doute préféré être prévenue de la farce avant qu'elle soit mise en place. Mais ce n'était surtout pas le but de faire peur. Allez voir ça, mais vraiment, c'est hallucinant. Finalement, c'est ça. C'est que tu fais ta commande et quand tu arrives au comptoir, là, dans la petite boîte, eh bien, il y a une scénette, il y a quelqu'un, il y a des comédiens qui jouent et qui vous donnent votre commande, comme ça, l'histoire d'horreur. Moi, j'ai vraiment très, très apprécié le lutteur qui gueule, qui donne ta commande. Vraiment très, très sympathique. C'est sûr que l'astronaute aussi, c'est malade, parce que derrière, il y a un hublot, tu vois la Terre au loin. C'est vraiment très, très bien fait. Chapeau, McDonald's. Pour une fois, on dit pas quelque chose de négatif sur le McDo. On les félicite de leur originalité et de leur créativité. Ici, on va rester dans le domaine de la nourriture ou pas, mais en tout cas, de quelque chose qu'on va se mettre dans la bouche. C'est de l'urine. Hein? Qu'est-ce que je dis là? De l'urine bientôt transformée en eau potable et ainsi qu'en carburant à bord de l'ISS. À bord de la Station spatiale internationale, tout doit être économisé au possible. Une équipe de Porto Rico a ainsi mis au point un système qui permet de transformer l'urine des astronautes en une eau potable ainsi qu'en carburant. Hein? Dans l'espace, personne ne vous entendra uriner à bord de la Station spatiale internationale. Le moindre gaspillage d'espace ou de ressources entraîne un surcoût considérable et à chaque opération de ravitaillement s'avère absolument ruineuse. C'est pourquoi, comme le rapporte The Blaze, deux chercheurs de l'Université de Porto Rico se sont attelés à recycler les eaux usées produites dans la station. Hein? Station spatiale, toutes les eaux usées. On a compris. La question de l'urine est apparue dès le commencement des vols spatiaux habités. Ainsi, Laika, première vivante en orbite autour de la Terre en 57, qui était un chien en passant, a été spécialement choisie car les chiennes, contrairement aux mâles, ne sont pas obligées de lever une patte pour se soulager. Cela a permis d'économiser la place cruciale à bord de Sputnik 2. Face à ces problématiques, les équipes d'Eduardo Nicolo et Carlos R. Cabrera cherchent quant à elles à utiliser au mieux les inévitables rejets d'urine. Plutôt que de les évacuer dans l'espace, elles tentent de transformer en eau potable et en carburant. Wow! Grâce à un procédé d'osmose inverse, ils parviennent à en extraire l'urée, un des composants majeurs de l'urine. Ce système joue sur le fait qu'en augmentant la pression, il est possible de déplacer de l'eau à travers une membrane sans qu'elle entraîne ses solutés avec elle. Les chercheurs se servent ensuite de l'urée riche en azote pour obtenir de l'ammoniac. Ce dernier servira de carburant. Ce système baptisé UB pour Urea Bioreactor Electrochemical System et vient tout juste d'être décrit dans la revue ACS Sustainable Chemistry and Engineering. L'ISS recycle déjà l'urine des astronautes en eau potable depuis 2009, mais cette utilisation de l'ammoniac est une nouveauté. Les chercheurs ne visent d'ailleurs pas seulement à améliorer le système embarqué, mais souhaitent également appliquer leurs travaux au traitement sur Terre. Hein? Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Les résultats montrent que le UB pourrait être utilisé, affirme-t-il, dans n'importe quel système de traitement des eaux usées contenant de l'urée et ou de l'ammoniac. C'est génial, on adore. Ici, on parle de Amazon Compagnie, hein, qui est très connue, mais pas très aimée par les gens qui y travaillent. Mais bon, ça, c'est un autre dossier. On en reparlera pour vrai tantôt. On va parler de Amazon. On a deux nouvelles. On a Amazon qui est sur le point de lancer un smartphone avec des images en 3D. Donc, c'est le Wall Street Journal qui nous dit ça, qui nous apprend que le géant américain de la distribution en ligne mettrait en vente son propre smartphone avant la fin de l'année. Amazon étend sa toile et après les comics et les séries, la plateforme de vente en ligne a les yeux sur les smartphones. Selon le Wall Street Journal, Amazon serait sur le point de sortir son smartphone au cours des deux derniers trimestres de l'année, plus précisément à la fin du mois de septembre, après une annonce de sortie en juin. Croit savoir le quotidien américain, des démonstrations de cet appareil ont été réalisées à des développeurs à San Francisco ainsi qu'à Seattle. Sa spécificité, eh bien, dans un marché déjà arrivé presque à saturation et dominé par 49% par Apple et Samsung, Amazon espère marquer sa différence avec un écran offrant des images en trois dimensions visibles sans lunettes. Le téléphone qui pourrait suivre les mouvements des yeux embarquerait aussi quatre objectifs pour permettre aux images de se présenter sous la forme d'hologramme. Pour l'instant, aucun détail n'a été donné sur le système d'exploitation. Après avoir lancé sa Kindle, sa liseuse électronique en 2011, puis plus récemment une télécommande en guise de liste de courses et annoncé moins sérieusement une livraison de produits par drone, il s'agirait d'un nouveau pas par l'entreprise de Jeff Bezos dans le hardware. Parallèlement, Amazon investit également dans le contenu, que ce soit en produisant les séries The After, Bosch Transparent ou Mozart in the Jungle, ou en rachetant une plateforme pour lire... des BD en version numérique. Jeudi dernier, le géant américain de la distribution en ligne Amazon avait annoncé l'achat de Cosmixology, société spécialisée dans les bandes dessinées en version numérique. Donc, beaucoup de nouveautés pour Amazon. Et on apprend aussi que Amazon veut faire démissionner ses salariés mécontents en les payant. C'est le patron d'Amazon qui va proposer tous les ans à ses salariés de démissionner contre un gros chèque. Le but, c'est les remotiver au travail. Pousser ses salariés à démissionner tous les ans, c'est la proposition un peu folle du patron d'Amazon à ses salariés démotivés. Dans une lettre à ses actionnaires, Jeff Bezos veut lancer un programme appelé « Pay to Quit ». Payer pour démissionner, destiné aux employés d'Amazon mécontents de leurs conditions de travail. OK. Le but de ce programme, c'est pousser les démotivés à démissionner à gros coups de billets. Tous les ans, chaque employé d'Amazon se voit proposer un gros chèque pour quitter l'entreprise. La première année, 2 000 $, soit 1 450 $. OK. Sont sur la table, puis 1 000 $ de plus tous les ans avec un maximum de 5 000 $. Dans sa proposition, Jeff Bezos indique que le titre de cette offre sera « S'il vous plaît, ne prenez pas cette offre. Nous espérons qu'ils ne saisiront pas l'occasion. Nous voulons qu'ils restent exposés. » Le PDG d'Amazon. OK. Pourquoi dans ce cas faire cette proposition? C'est que le calcul est simple. Pour Jeff Bezos, nous voulons les encourager à prendre un moment pour réfléchir à ce qu'ils veulent vraiment. À la longue, un employé qui reste à un endroit où il ne veut pas vraiment être n'est pas bon ni pour l'employé ni pour l'entreprise, décrit le patron de chez Amazon. Pour ce pay to quit, Jeff Bezos s'est inspiré de Zappos, une société spécialisée dans la vente de chaussures en ligne. L'entreprise propose un chèque à chaque employé au bout d'un mois de travail. Le salarié peut alors décider de rester ou de partir avec le pactole en poche. Étrange, mais bonne idée, je trouve, hein? Vraiment. Et si on s'en fait une petite dernière, toujours selon dans le monde de la technologie, on est pas mal rentré là-dedans. Je vous parle de l'incroyable histoire du fond d'écran Microsoft, le plus connu de la planète. Eh bien oui, Microsoft a levé le voile sur un des plus grands mystères de l'enseigne. Le 8 avril, le géant américain de l'informatique a mis en ligne une vidéo qui nous explique l'origine du fond d'écran désormais mythique Bliss. Vous vous rappelez hein, cette belle colline de verdure extraordinaire avec un beau ciel bleu et blanc qui semblait presque une infographie? Eh bien, vous allez voir, c'est bien intéressant l'histoire de cette photo. La vidéo présente au monde entier Chuck O'Rear, le talentueux photographe du fond d'écran par défaut de Windows XP, alors que Microsoft annonce que ce dernier ne sera plus mis à jour, une décision qui précipite la mort annoncée du système d'exploitation. 90% des ordinateurs du monde tournent sous Windows. Il est donc quasiment impossible que vous ne connaissiez pas cette image. Depuis l'an 2000 et l'apparition de Windows XP, plus d'un milliard de personnes ne l'auraient vu cette image. Un chiffre incroyable pour une photographie dont le destin l'est tout autant. La photographie a été prise en janvier 1995 et a nécessité 4 prises. Chuck O'Rear assure qu'il ne savait pas ce que le géant de l'informatique américain allait faire de sa photo quand il lui a vendu. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. explique-t-il. La photographie a été nommée Bliss, comprenez bonheur en anglais, et ensuite est devenue un succès inimaginable. Très touché, le photographe assure que chaque personne de moins de 15 ans gardera toute sa vie en tête cette photo, en mémoire, hein, bien sûr, même s'il ne se souviendra pas forcément d'où elle la connaît, la personne. Alors que depuis 15 ans, les spéculations sont allées bon train quant au lieu que Bliss représente, eh bien, Chuck O'Rear a enfin levé le voile. En souriant, il explique qu'il s'agit d'un paysage d'à côté de chez lui, dans la Napa Valley, dans le nord de San Francisco. Il ajoute que la photo n'a subi aucune modification. Il est vrai que l'on a toujours eu tendance à penser que les couleurs très vives avaient été retouchées, mais le photographe s'en défend vivement. Ce que vous voyez, c'est la réalité. Il y a cependant un détail qui reste mystérieux et qu'il restera toujours. Sans doute, c'est le prix auquel Chuck O'Rear a vendu Bliss à Microsoft. Aujourd'hui, il serait impossible de refaire la même photographie car les collines verdoyantes ont été remplacées par des vignes. Bliss restera donc pour toujours la légende de Windows XP. Et puis, selon des gens, on dit qu'on aurait changé les couleurs un peu, mais lui, du tout. Moi, je crois à Monsieur O'Rear qui a fait cette photo, premièrement, avec un appareil photo normal, à pellicule, et non un APN ou, si vous aimez mieux, un appareil photo numérique. Hein? Assez particulier l'histoire de cette image. Et tiens, tant qu'à être dans l'histoire, on va aller faire quelque chose que ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas fait. Eh bien oui, on va aller se faire un petit segment dans les mille et une chansons à avoir entendues dans sa vie. Et aujourd'hui, c'est pas n'importe qui. Je vous parle du King des Kings, le roi des rois. Eh bien oui, je vous parle de Elvis Presley et la pièce In a Ghetto. Hein? C'est hallucinant. Est-ce vraiment le même Elvis qu'il n'y a pas si longtemps fournissait improbablement l'improbable bande-son des films tout aussi improbables? Le processus permettant à Elvis de retrouver sa crédibilité a débuté en 68 avec une émission spéciale de la télévision où If I Can Dream a galvanisé l'audience, mais In a Ghetto avait aussi beaucoup de substance, tant du point de vue de la musique que de celui des paroles. Sous la houlette du fameux Colonel Parker, l'incitant toujours à la prudence, Elvis n'avait jamais aimé faire de la musique à commentaire social, mais il a été profondément affecté par une série d'assassinats dans ceux de Robert Kennedy et de Martin Luther King. Ce dernier a même fait sa propre ville natale à Elvis. Hein? Mac Davis, cité sous le nom de Scott Davis pour éviter la confusion avec un autre auteur de chansons, avait une idée en tête, d'écrire le cycle sans fin de la vie dans la misère, ce qu'il appelait être né dans une situation où l'on n'a pas d'espoir. Davis avait un titre en tête, The Vicious Circle, hein, le cercle vicieux, mais comme lui-même a été forcé de le reconnaître, on ne fait rien rimer avec cela. Elvis hésitait à se colter à une chanson parlant aussi ouvertement de l'injustice. Chip Moman, producteur américain de Sound Studio de Memphis, savait quant à lui qu'on le convaincrait facilement en lui faisant entendre qu'un autre artiste s'intéressait au titre. Ah, ben oui, Elvis voulait tout être le premier, hein. Au cours d'une session les plus productives de sa carrière, Elvis a donné tout ce qu'il avait dans les tripes et dans le cœur pour les 23 prises de cette chanson. Le dernier titre d'Elvis à être entré dans le top 3 américain était Crying in the Chapel. Cela remontait à 1965. 4 années plus tard, il retrouvait sa place qui lui revenait de droit. Le succès a été énorme et le public a confirmé ce que les techniciens de studio avaient déjà remarqué. Il a été grand, a dit le trompettiste Wayne Jackson. Donc, cette pièce In a Ghetto de Elvis Presley, et l'auteur c'est Mac Davis, la production c'est Chips Moman, Filton Jarvis nommé aussi. Le label c'était bien sûr sous RCA, l'étiquette de Elvis. L'album c'est From Elvis in Memphis. Donc, influencé par The Wind Cries Mary, vraiment, de Jimi Hendrix en 67, cette pièce. The Wind Cries Mary, excellente pièce, a influencé The Sun Refuse to Shine de Richard Hawley. Elle a été, entre autres, reprise par Sammy Davis Jr., Nick Cave and the Bad Seed en 84 et les Cranberries en 2001. Alors, dans le segment des mille et une chansons à avoir entendues dans sa vie au dîner de con, eh bien, on écoute nul autre que In a Ghetto de Elvis Presley. On écoute ça. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries,

l'école dont on parle, et Harvard, MIT et d'autres écoles comme ça, la fin de semaine. Donc l'autobus permet aux étudiantes collégiennes féminines d'aller rencontrer des hommes pendant la fin de semaine. Et ces hommes-là, quand le bus arrive à l'école, ben c'est presque automatique qu'ils vont avoir des relations sexuelles avec ces filles-là. Wow. Donc ils ont surnommé le camion le fuck truck. Le fuck truck. Tu sais? Le fuck truck. C'est-tu un shatter? Un charter? Un charter, wow, c'est ouais, c'est trop. C'est la comprendre, c'est là. Ouais. Mais par contre, ils m'ont inspiré le fuck truck. Un petit peu de Charlie Foxtrot. Hein? Oh, ah oui, Charlie Foxtrot. Bon, on va entendre la mémoire courte tout de suite à Assemblage Rocky. C'est comme ça. Oh. Mais félicitations quand même. Merci. Félicitations. Auto-félicitations. Sans penser. Les gens réclament, les gens réclament. Oh non! On peut laisser ça passer, mais il faut juste lubrifier un peu avant. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Plongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. On va essayer de vous apprendre quelque chose. Le pourquoi du comment. Alors, pourquoi le nylon porte-t-il ce nom de nylon? Premièrement, inventé en 1935, le nylon est principalement utilisé pour fabriquer des collants, des maillots de bain ou encore des poils de brosse à dents. Le nom de cette matière plastique viendrait des épouses des chimistes de la société américaine DuPont. Bien sûr, grande compagnie de chimie, là, la compagnie DuPont, font de la peinture aussi, de Nemours qui l'ont élaboré. En 1938, le mot nylon aurait été ainsi formé avec les premières lettres de Nancy, Yvonne, Louella, Olivia et de Nina. Donc, ce qui donne nylon. Nancy, Yvonne, Louella, Olivia et Nina. Une explication, un temps éclipsé par une version erronée durant la Seconde Guerre mondiale, une rumeur insinuait que le nylon était l'acronyme de « Now you lose old Nippon ». Maintenant, vous avez perdu, vieux japonais. La matière étant utilisée pour les parachutes militaires et face au scandale, DuPont avait dû faire paraître un démenti dans la presse japonaise de 1941. Donc, la vraie réponse, c'est seulement qu'il porte les lettres... les premières lettres de chaque femme, des concepteurs, finalement, de cette nouvelle matière. Ah, ben, on va se coucher moins niaiseux. Restons toujours dans les innovations, hein, et dans la nouvelle technologie. Tantôt, on parlait du nylon. Ben oui, à un moment donné, c'était de la nouvelle technologie, c'était la nouveauté, c'était le temps moderne. Eh bien, maintenant, je vous parle de cette route phosphorescente aux Pays-Bas. Ce demi-kilomètre d'autoroute néerlandais est pour le moins étonnant. En effet, il s'agit d'un morceau de route dont les marquages au sol sont phosphorescents. Grâce à cette route lumineuse, les lampadaires qui longeaient la chaussée ont pu être supprimés. L'idée de ce projet avait déjà été évoquée en 2012 par le studio Rose Guard. Après quelques obstacles administratifs, le projet voit enfin le jour. Le fondateur du studio, Dan Rose Guard, avait déclaré en 2012, en octobre 2012, qu'il voulait imaginer la route 66 du futur où la technologie sortirait de nos écrans d'ordinateur pour faire partie de nous. À long terme, le projet propose également de faire apparaître des marques météo sur la route, ainsi que lorsque la température descendrait en dessous d'un certain seuil, des flocons de neige phosphorescents apparaîtraient au sol. Néanmoins, pour le moment, le tronçon de 500 mètres de l'autoroute N329 ne dispose que de marquages au sol développés en collaboration avec la société Eijkman, créés à l'aide de poudre photoluminescente ajoutée à de la peinture. À noter que l'émission de lumière peut durer jusqu'à 8 heures. Allez voir les images, c'est très, très, très sympathique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a, avec sur la même page, un top 18 des routes les plus bizarres du monde. Et je vous invite à aller voir ça. Là. Je le ferai peut-être pas le now, là, parce que, bon, c'est surtout en images pour vous. Ça va être un peu moins intéressant. Mais c'est vraiment à voir pour la connaissance générale. Entre autres, je vous parle des gorges du Dadès au Maroc. C'est une route vraiment extraordinaire. Le tunnel de Guilian en Chine. Creusé à même le roc, vraiment hallucinant. Le tunnel Needles Eye au Dakota, donc dans le Dakota aux États-Unis, ça aussi creusé à même le roc, vraiment hallucinant. Une route de l'océan dans l'Atlantique en Norvège, ça aussi c'est spectaculaire, vraiment à voir. Et là, ça continue. Il y a beaucoup de routes bien bizarres. Il y en a 18. Allez voir ça, ça vaut la peine. Sinon, bien intéressant ici aussi, on le sait en plus, avec Pâques qui arrive, on va en avoir du sucre dans le sang. Mais on apprend que de faible... Mais c'est tant mieux qu'on ait du sucre dans le sang parce que de faibles taux de sucre dans le sang seraient néfastes à la paix des ménages, donc à la paix familiale. De faibles taux de sucre dans le sang rendent les conjoints au sein des couples mariés plus en colère et accroissent le risque d'agressivité, selon des scientifiques américains. Cette étude montre comment le simple fait d'avoir faim qui résulte du bas niveau de glucose peut être un facteur de tension dans les couples, mené à des disputes et parfois même à de la violence. C'est ce qu'explique Brad Bushman, psychologue à l'Université d'État de l'Ohio dans le Nord. Principal auteur de ses travaux paru lundi dans le compte rendu de l'Académie américaine des sciences, le PNAS. Eh bien, cette étude effectuée auprès de 107 couples mariés pendant 21 jours montre le fait que de mesurer en fin de journée le taux de glucose dans le sang a permis de prédire le degré de colère de chacun à l'encontre de l'autre. Pour mesurer cette colère, les chercheurs ont donné à chaque participant une poupée vaudou censée représenter leur conjoint ou leur conjointe, ainsi que 51 épingles à tête. À la fin de chaque journée, chacun des conjoints a planté un certain nombre d'épingles dans leur poupée selon le degré de colère ressenti envers l'autre. Ils étaient toujours seuls quand ils se défoulaient sur les poupées et notaient par écrit le nombre d'épingles utilisées. En même temps, chaque conjoint devait mesurer son niveau de sucre, son glucose sanguin, avant le petit déjeuner et ainsi qu'avant d'aller au lit. Les résultats montrent que plus le taux de sucre est bas, plus le nombre d'épingles plantées dans la poupée vaudou est élevé. Hallucinant, hein? Le lien entre taux de glycémie et degré de colère persisterait même en prenant le compte. En fait, le couple que se déclare qui se tape en prenant en compte même le fait que le couple qui se déclare satisfait de cette union. À la fin des 21 jours, eh bien, les couples ont été invités à subir un second test. Il s'agissait d'appuyer sur un bouton le plus vite possible quand une cible rouge apparaissait sur un écran d'ordinateur. Le vainqueur dans chaque couple, avait alors le loisir de soumettre son conjoint à un bruit très fort et d'en décider l'intensité ainsi que la durée. Les résultats ont montré que ceux qui avaient un faible taux de glucose infligeaient le son le plus fort pendant le plus longtemps possible. Enfin, une autre analyse a révélé que les sujets qui avaient planté le plus grand nombre d'épingles dans les poupées étaient également ceux qui avaient soumis leur conjoint à plus de décibels, et ce, le plus longtemps possible. Ce phénomène s'explique par le fait que le glucose est le principal carburant du cerveau et que le degré de contrôle de soi nécessaire pour maîtriser sa colère et des impulsions agressives requiert beaucoup d'énergie, soulignent les auteurs. Le cerveau ne compte que pour 2% de notre poids, mais consomme plus de 20% de nos calories, souligne toujours le professeur Bushman, qui recommande, avant une discussion difficile avec son conjoint, d'être sûr de ne pas avoir faim. Donc, gardez-vous une barre de chocolat pas loin, gardez-vous de la bouffe et avant une discussion, assurez-vous d'avoir bien mangé. Ça va être plus facile, vous allez être plus conciliant, plus facile d'écouter l'autre, plus facile de vous contrôler vous-même. C'est génial et je vais utiliser cette méthode. Vous aussi, faites-le. Bien important. Ici, génial, une belle petite vidéo comme on les aime en plus, qui met en vedette de charmantes jeunes femmes. C'est justement une charmante jeune femme qui s'amuse à draguer les plus jolies filles d'une université pour voir leur réaction. Bonne idée, hein? Comment réagiraient les jeunes femmes si une fille venait spontanément les aborder pour les draguer? Serait-elle offusquée, embarrassée ou bien au contraire accepterait-elle la proposition sans sourciller? Voilà tout l'enjeu de cette caméra cachée d'Andrea qui est allée draguer les plus jolies filles d'un campus américain pour voir leurs réponses. Pour trouver des jolies filles à qui demander sortir avec elle, eh bien Andrea en effet partie se balader sur un campus universitaire où elle a effectivement croisé le chemin de charmantes demoiselles qui, pour beaucoup, étaient loin d'être prudes. En venant spontanément à leur rencontre, la protagoniste de cette caméra cachée n'a pas hésité à attaquer d'emblée dans le vif du sujet en demandant aux jeunes femmes leur numéro de téléphone. Confiante, beaucoup ont répondu oui, sans se douter parfois qu'Andrea voulait en fait les amener sur un autre terrain. En poussant un peu plus loin la discussion, celle-ci leur a fait à chaque fois comprendre qu'elle souhaitait ne pas sortir entre copines, mais plutôt qu'elle avait besoin d'un rendez-vous amoureux, hein, plutôt une partie de fesses. À ce moment-là, les réactions ont été partagées. Si beaucoup ont fait gentiment comprendre qu'Andrea, qu'elle n'était pas intéressée par sa proposition, d'autres, en revanche, se sont montrées beaucoup plus curieuses, même si beaucoup ne s'étaient jamais visiblement posé ce genre de questions avant d'être abordées par Andrea. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. C'est magnifique et c'est très coquin. J'aime ça. Ça fait du bien en dedans. Ça fait un petit sourire dans le cœur. Et on continue. Ah, je suis sur une lancée. Ça va bien. On a des bonnes nouvelles en plus. C'est ce qui est le best. La compagnie US Airways qui s'excuse pour avoir tweeté une photo pornographique. La compagnie américaine d'aviation US Airways a publié lundi sur Twitter une photographie pornographique d'une femme utilisant sexuellement un avion miniature avant de supprimer la photo et de s'excuser, déclenchant un déluge de plaisanteries scabreuses sur la toile. La compagnie a plaidé l'erreur de manipulation dans un communiqué. Erreur de manipulation avec l'image qu'on avait. Oh, que c'est drôle! Dans un communiqué, elle a expliqué que l'image avait été tweetée plus tôt par un autre utilisateur dans un message mentionnant le compte d'American Airlines, une compagnie qui a récemment fusionné avec US Airways. Nous avons capturé le tweet pour le signaler comme indécent. Malheureusement, l'image a été incluse par inadvertance dans une réponse à un client, écrit la compagnie sans clairement expliquer ce qu'elle entendait par le terme « capturé » qui ne correspond à aucune fonction précise sur Twitter. Je suis bien d'accord. Nous sommes immédiatement rendu compte de l'erreur et nous avons supprimé le tweet. Nous regrettons profondément l'erreur et nous sommes en train d'examiner nos procédures pour empêcher de telles erreurs d'arriver à l'avenir. Interrogée par l'association France Presse, une porte-parole n'a pas expliqué la manipulation exacte ayant conduit à la publication de la photo. US Airways est loin d'être une novice sur Twitter avec plus de 88 000 messages publiés à ce jour. Selon plusieurs sites, la photo serait en fait restée environ une heure sur le compte d'US Airways lundi dans l'après-midi en illustration d'une réponse envoyée à une utilisatrice qui se plaignait du retard de l'un de ses vols. US Airways écrivait dans ce tweet « Merci de votre retour ». Elle, si votre voyage est terminé, vous pouvez le détailler ici pour examen avec le lien de la photo. L'image en question circulait sur Internet depuis des années selon une recherche inversée sur le site Tiny Eyes. Vraiment, j'aime ce genre de nouvelles. Très, très drôle. Et tiens, comme je suis sur une lancée, on y va avec elle aussi. C'est un homme qui a mal garé sa BMW et finalement la retrouve transpercée par une lance à incendie. Conducteur américain qui avait garé sa voiture devant une borne à incendie a eu la mauvaise surprise de la retrouver, cette voiture, en mauvais état. Hein? Ne pas se garer devant les bornes d'incendie fait partie des principes de base du conducteur respectueux, une catégorie dont ne doit pas faire partie ce conducteur habitant à Boston. En effet, les pompiers ont carrément dû transpercer les fenêtres de la voiture de sa BMW pour y faire passer leur lance à incendie et pouvoir bénéficier d'une pression suffisante. Dommage quand on sait qu'un stationnement dans les règles aurait pu éviter d'abîmer cette belle berline. Certaines personnes trouvent cela marrant, a déclaré un porte-parole des pompiers de Boston, Steve McDonald, au journal de Boston Globe. Mais c'est vraiment une situation grave et l'approvisionnement en eau est un élément vital. Le camion peut transporter 750 gallons d'eau qui pourrait avoir disparu en seulement 2 minutes avec le nombre d'alertes l'alerte, pardon, chaque borne est importante. Il a ajouté que se garer devant ces bornes à incendie, c'est comme se garer sur les places pour handicapés. C'est juste quelque chose qu'il ne faut pas faire. Sept familles ont dû être déplacées après qu'un incendie s'est déclaré dans un bâtiment en bois, probablement à cause des vents violents. Fort heureusement, l'incendie n'a fait aucune victime, sauf les fenêtres de cette voiture, hein? Tant pis pour ce petit connard de conducteur qui se fout des règles. Ben, c'est comme ça, hein? Vraiment, exactement cela. Sur ce, eh bien, on va aller en musique. Qu'est-ce que je vous ai préparé? Oui, ben, tiens donc. Ah, j'ai pas le choix de faire cette nouvelle avant de partir avec cette pièce-là, ça, c'est sûr. Tantôt, au début du show, je vous parlais de légalisation du cannabis. Eh bien, vous le savez, c'est légal depuis 4 mois dans le Colorado. Aux États-Unis, ben oui, ils sont plus rapides que nous autres, plus ouverts d'esprit que nous, Canadiens, finalement, les Américains. Hein? Le cannabis est désormais disponible, en plus d'être légal, dans des distributeurs automatiques. Depuis le 1er janvier, l'État du Colorado a autorisé la consommation du cannabis à des fins récréatives. Cette nouvelle loi précise que toute personne âgée de 21 ans ou plus peut posséder jusqu'à 28 grammes, finalement une once de cannabis. Stephen Sheeran, un entrepreneur américain, a décidé de créer un distributeur automatique appelé le Zazz. Le premier a été installé à l'intérieur d'un dispensaire de cannabis. Dans un premier temps, ces machines ne délivreront que du cannabis à usage médical. Afin d'éviter que des enfants ne se procurent de la marijuana, eh bien, oups, c'est un peu. Eh bien, le consommateur doit scanner son permis de conduire et ainsi prouver qu'il a plus de 21 ans. Des caméras sont également mises en place afin de vérifier que le client est bien le détenteur, du permis. Ultime précaution, cette machine ne pourra pas être installée dans des lieux publics tels les restaurants ou les bars. Mais quand même, beaucoup plus ouvert que nous ici au Canada. Et sur ce, eh bien, on va aller avec cette pièce de Loco Locas, la pièce Bon Zion. On écoute ça à l'instant dans le Dîner de cons. Bordel de merde, mais t'en as pas besoin de mes 50 balles. Est-ce qu'il y en a pour 100 000? Claude, c'est du Bon Zion. Du quoi? Ben oui, du Bon Zion, bonsaï, parce que ce sont des plantes plus petites, et Zion, parce que c'est le paradis des Rastas. La légende dit que si tu fumes ça, tu danses sur ta tête comme un con toute la nuit, et que t'entends des symphonies de trompettes. Ouais! Des trompettes. Ben ouais, ça dit que ça vaut du pognon, ça, mon gars. Même les motards sont pas capables de mettre la main là-dessus. Personne sait vraiment d'où ça vient. La légende dit que ce serait le pote de Raël. Il y en avait l'année dernière à la fête de Guy la Liberté. Il paraît qu'en fin de nuit, ils marchaient sur le lac comme des fous. Du Bon Zion, mon Dieu, ça c'est de la planche. C'est de la Bon Zion. C'est comme un foot de Maroc, de Mohawk, c'est le Dollywood. Et tout si bon, mes emmènes, c'est de la Bon Zion. Dans sa cocotte, une cocotte, on va checker le stock. Mêlé, mon homme, c'est comme un pilum ou c'est un amour. Mêlé, ça cogne dans les neurones comme un boulet dans les murs de Carcassonne. Plus cool que l'école, plus sain que la colle. Moins cher que l'alcool, tétrahydrocannabinol. Dans ma tête, ça a l'air d'une tempête solaire. J'entends la lumière puis je vois les sons dans les airs. Hey hey, là je paranoïe dans mon crâne du trafic. Oh boy, c'est comme essayer de traverser les boulevards à Hanoï. Oh oh oh, ça cogne dans les neurones comme un boulet dans les murs de Carcassonne. C'est la bonne Zion, c'est comme un foot de Maroc, de Mohawk, c'est Dollywood. Et tous ces bonnes mes emmènes, c'est la bonne Zion. Faites un whistle, pop yo, que je check le stock. C'est que la bonne mes emmènes, c'est la bonne Zion. C'est comme un coup de motte, l'on compte pas qu'il fuck le Dollywood. Et tous ces bonnes mes emmènes, c'est la bonne Zion. En bonne Zion, c'est la macronne clonée, génétiquement modifiée. Au pH équilibré, au THC multiplié. C'est comme hiver, même plus besoin de terre sous la serre. Ça pousse, c'est plus abondant que le couscous. C'est la terre promise, même sur la banquise. Faut qu'on la décriminalise, il faut qu'on la nationalise. C'est comme avec Hydro-Québec, on pourrait payer nos dettes. Net, frais de sec avec le Kinto au bec. Mêlé, jus, mêlé. Mais mon homme, c'est comme un pilum au sternum. Mêlé, jus, mêlé. Ça cogne dans les neurones comme un boulet dans les murs de Carcassonne. C'est de la bonne, mais en mène, c'est de la bonne Zion. C'est comme un foot de Maroc, de Mohawk, c'est Dollywood. Et tout c'est bon, mais en mène, c'est de la bonne Zion. C'est fait comme un trompette, tout petit au frais. C'est de la bonne, mais en mène, c'est de la bonne Zion. C'est comme un coup de motte, là, qu'on pas qu'il fuck le Dollywood. Et tout c'est bon, mais en mène, c'est de la bonne Zion. Let's throw a big fat motherfucking jack. Hip chef, tu veux te bronzer la tête, sir? Montre-moi de fat shit. Moyen en bac, chiche, t'envoie mes gifles du soleil pour un michou. Y'a Marrakech, ou y'a ma chiche. De façon, c'est gif, y'a couscous au hachiche. Spliff au poichiche. J'ai jamais la Jamaïque, mais c'est quoi, j'crois que j'ai jamais. Mêlé, jumelé.

Ça a été déjà déclaré la meilleure blanche à peu près au monde. C'est pas des farces. Donc, on déguste une blanche du paradis. Une bière qui est à un petit 5,5% d'alcool. Un peu d'épices, coriandre, tout ce qu'il faut pour nous rafraîchir, finalement. Elle est offerte dans un format de 341 millilitres. Et si on regarde ce qu'ils nous disent, là, quelle légende vont-ils nous raconter? La blanche du paradis est une blanche de style belge brassée avec de la coriandre et des écorces d'orange. Ah. Ouais, de l'écorce d'orange, c'est pas n'importe quelle, les curaçao. Non filtrée et contenant presque autant de blé que de malt et d'orge, eh bien, elle dégage des arômes de pain, parfait, des saveurs d'agrumes et d'épices et de subtiles notes d'acidité qui proviennent du blé. Donc, je pense qu'on est dû pour s'ouvrir ça, Michel. On ouvre ça en stéréo? Hein? On ouvre ça en stéréo. Je pense que tu as un mal au doigt, par contre. Ah, ça s'ouvre pas? Mais j'ai un petit truc ici, hein? Tout est fort, tiens. Tiens. On va baisser ça, on va mettre le micro magique pour écouter ça, voir. Ah, micro magique. On a eu la chance d'avoir un micro magique comme ça grâce à l'émission Assemblage Requis qui ont beaucoup plus de budget que nous. Alors, ils nous ont prêté le micro magique parce qu'eux nous avaient volé le concept. Alors, échange pour échange, on y va avec le micro magique de mon bar aussi. On va deux micros. Ah, oh, parfait ça. Donc, première odeur, ben ça sent bon. Premier petit... J'ai eu un petit vent dans le nez. Oui, on avait eu une blanche à un moment donné cette année, puis je l'avais trouvée très bonne, puis oui. Je t'avais dit, je suis pas vraiment un amateur de blanche, puis ça sent un peu, j'ai des retours d'odeur. Là, qui... Donc, ça sent bien. Ça sent agréable. Ah, moi, une blanche, c'est l'été. Hein. C'est la terrasse, c'est le petit barbecue, c'est le bonheur. Donc, à la tienne. À la tienne. Yes, parce qu'on au fait printemps. Ça je pense qu'on peut dire au printemps. Oh, on peut le dire à la vôtre. On s'envoie une petite gorgée. On va s'envoyer ça ici, la petite trame qui est là. À tantôt. Bonnes odeurs quand même. On sent un peu l'orange. On sent l'agrume. La céréale, beaucoup aussi, là. Pas vraiment de mousse, si on peut dire. Non, très, très discrète comme mousse. Pas une grande effervescence, mais quand même une belle bulle à l'intérieur, plus que ce que nous montre sur le dessus, tu sais. Ouais, puis la petite couche reste présente. Là. Elle n'est pas grosse, mais elle reste là. Oui, parce que des fois, tu as des bières comme ça, avec cette même petite mini-couche-là, mais tu regardes en dedans, il n'y a rien, puis dans deux secondes, elle n'est plus là. Elle s'entretient. C'est un mince col de 2 mm à peu près. 1 mm et demi. Et puis, il s'entretient. Il est très effervescent. Moi, il y a bien sûr l'odeur, le pain, la céréale. Ça, c'est immanquable. Tantôt, tu disais coriandre, tu disais agrume. Agrume aussi, c'est clair. Là, ça goûte. C'est rien à dire de négatif sur cette bière. Facile à boire. C'est ce que je peux dire. Sur ratebeer.com, eh bien, elle a un overall de 94. Quand même pas si pire. Mais c'est vraiment pas très fort. Hein? Non, vraiment pas. Ça se boit tout seul. Donc, overall de 94, ça, c'est selon tous les styles. Et selon son style, ben, un petit 99. Bon. Donc, ça doit être une bonne bière. Elle est appréciée, si je comprends bien. Si on dit que c'est de la merde, c'est parce qu'on connaît pas ça. Moi, j'aime pas bien, moi. Non, vraiment, un goût mauvais. On me disait, puis je l'ai lu à quelques places, là, quand même assez froide. Si on veut que tout se développe, là, faudrait la laisser un peu sur le bord de la table quelques secondes. On aurait beaucoup plus de saveurs, d'épices, plus de complexité un peu qui pourrait sortir. Parce qu'elle n'est pas tant voilée que ça pour une blanche. Ou, est-ce qu'elle a quand même une couleur... c'est clair. C'est oui, elle est quand même claire, mais tu sais, c'est pas filtré. Là. Ouais, tu vois qu'elle n'est pas filtrée. C'est pas comme une bière blonde là, qui est limpide. Là. On a quand même un mince voile, mais bon, comparé à ce que des fois on a eu ici, la lumière passe. Même qu'on dirait que le collet prend de l'ampleur. Mais c'est ça, c'est qu'il se fait pousser dessus par les bulles. Ouais. C'est ce que je disais tantôt, ça ressemble à ça. Si on s'envoie quelques petites descriptions, hein, ici, électrotype. J'avais jamais lu, mais sa description est quand même assez grande. Hein? Lui, justement, part avec ça. Il dit « Je suggère de ne pas entamer cette bière trop froide. » Il dit « Les arômes semblent se développer après quelques degrés de plus. » Et là, en arrière-goût, le pain. Hein? Moi, j'ai de la céréale. C'est très, très bon. Les épices aussi, un peu. Aucune amertume. ou presque. Là, c'est sûr c'est une bière. Il y a des gens qui vont dire oui, il y a de l'amertume parce que je dis houblon, tout ça, mais c'est pas comparé à ce qu'on a goûté. Ça n'a rien à voir. Il dit donc, on la laisse un peu reposer. Au nez, épices, coriandre et surtout une touche sucrée assez recherchée, vraiment plus complexe et plus profonde que la plupart des blanches. En d'autres mots, ça sent bon ce truc. Il dit, je ne suis pas amateur fin de bière du Dieu du ciel en général, mais je dois avouer qu'il touche ici une corde sensible. J'ai même pas envie de goûter à cette bière. Attends un peu. Je n'ai même pas envie de goûter à cette bière après l'avoir sentie de peur d'être déçu et l'arôme me satisfait tellement. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Alors, en bouche, plutôt bien. Peut-être un peu flat. Justement, lui, la trouve pas assez effervescente. Il dit, le goût dérive directement de l'arôme et qui est également très réussi. J'oserais même dire que c'est ma blanche préférée jusqu'à ce jour. Bravo, je vais réacheter à nouveau. For sure. Il parle de sucré, puis je la boirais quasiment en prenant un dessert. Ben oui. Ou, tu sais, comme on la sert souvent, la blanche, avec une tranche d'orange, là. Mm-hmm. Ça serait parfait. Ouais. Ça lui donnerait encore un petit peu plus de kick et de côté estival, on pourrait dire. Si on s'en va en voir un autre ici, tiens, on va essayer d'aller avec quelqu'un. Tiens, le siffle-bière qu'on parle souvent, il dit un nez de citron et levure de pain. Non, moi, levure de pain à 100 %, citron, non, pas assez. C'est l'agrume, là. Oui. Ça peut mêler un peu le... Oui, mais citron me fait trop acide dans le nez, genre. Mais c'est un petit peu acide quand même. Il y a de l'acidité, là, plus que. Ouais. On peut pas dire le contraire, mais bon, au nez. Au nez, ouais. Pas vraiment au goût, je trouve. Pas de temps. Ben, c'est quand, comme je te dis, moi, j'aurais mangé ça avec un. J'aurais pris ça avec un avec dessert. Avec un dessert. Ben, une blanche, en mangeant, ça va bien en partant. Là. J'ai une mousse, là, une petite crème de citron, là, ou orange. Ben, ouais, ouais. Le citron aurait pu être là, justement, ouais. Faire le mix, là. Oui, mais ben, comme tu dis, oui, tout à fait. On peut. C'est le côté agrume, là. L'acidité, il y en a une. Mais je trouve pas vraiment au goût, plus au nez qu'au goût. Je sais pas. En tout cas, on continue. Donc, il dit bière de couleur paille. Légèrement voilée avec particules en suspension. Oui. Ouais. Au goût, elle semble à mi-chemin entre une allemande et une belge. Les agrumes sont présents, mais on goûte aussi bien les bananes et les mangues. Wow! Wow! Wow! Il a mangé trop de bananes ce jour-là. Il en restait d'un dent. Après combien de bières qu'il a dit ça? C'est ça. Moi, je trouve pas, mais en tout cas, il dit « Comporte le mélange est intéressant, bien ronde, complexe, un brin acidulé. Elle a deux grands mérites, soit qu'elle est excellente et originale en plus. » Moi, je trouve que oui, mais personnellement, j'ai bu beaucoup de blanches, OK? Puis je la trouve pas si différente qu'une blanche. Je trouve que c'est vraiment une blanche qui est bien faite, traditionnelle. Une blanche que tu veux qui goûte ça, t'sais? C'est comme... Elle est simplement ce qu'elle doit goûter, puis y a rien de désagréable à peu près dedans, là. T'sais, moi, c'est ce que je pourrais dire. C'est léger pour une blanche, je trouve. Oui, il y a vraiment. Des blanches qui goûtent beaucoup plus la blanche. Mais justement, est-ce que t'as déjà... Mais gars, là, elle est un petit peu plus chaude, là, puis déjà, ouais, il y a plus de... Il y a plus de goût qui se forme. Plus de goût qui se forme. Est-ce que t'as, y aller de même, là, mais une blanche commerciale, genre la Rickards blanche, tu connais-tu ça? Non. OK. Ben, la blanche de Chambly, mettons. Oui. Mais peut-être par rapport à cette bière-là, tu trouves quoi, elle? Ben, c'est ça, la blanche de Chambly. Moi, je n'étais pas capable, tu vois, ça goûtait... Ça, il n'y a pas de goût trop prononcé. On sent pas tout le parfum, là, qui... OK. Qui est comme surfaite. Boosté un ouais, peu. Ouais, c'est ça. Mais moi, je te dirais, tu l'as dit, Blanche de Chambly, c'est Unigou, hein? Ouais, c'est Unibrou. Donc, on dirait qu'ils boostent un goût qu'il y a dans toute leur bière qui fait que ça dénature un peu. J'aimais moi, pas je très bien ça. Bien ça, mais je te comprends. Parce que moi, c'est juste te dire, c'est, mettons, c'est rare les bières commerciales que j'accepte et que j'apprivoise. Puis, je le dis, puis gars, pourtant, là, je suis un gars, je fais des critiques ici pour la barrique, puis tout ça. Mais la Rickards White, très, très bonne, cette bière-là. C'est une bière, justement, qui est brassée avec de l'écorce de coriandre, avec de l'écorce d'orange et de la coriandre. On dirait que ce sont comme un peu basés sur celle-là. Autres, c'est la Colombie-Britannique. Rickards, c'est, ben, à la base, peut-être, mais c'est Molson. Okay, c'est Molson qui distribue, en tout cas. Oui, puis qui a tourné ici, je pense, à Montréal, la Rickards White, qui fonctionne très bien, quand même. Puis, sérieusement, c'est une bière... tu sais, je veux brécher ma paroisse, là, on va dire, d'aller aux gens, d'aller à la barrique, c'est pas ça, mais qui est quand même pas si mal. Tu devrais essayer à un moment donné. Je pense que tu détesterais pas la Rickards White. Parce que la Rickards Red me donnait mal à la tête. Ben, je te comprends. Mais non, mais c'est vrai, mais la White, personnellement, c'est sûr, c'est en beau pas plein, là, mais un petit six-pack avec quelqu'un, là, ça se boit très, très bien. Sinon, ici, Bretteux nous dit but en fût sur place directement. Lui, il était à Saint-Jérôme. Un col blanc et une dentelle assez mince. Au nez, les épices et les essences fruitées sont présentes. Au goût, le blé et les épices et une légère acidité sont perceptibles. Pour conclure, une blanche des plus agréables à boire qui me redonnera le goût de renouveler ce plaisir bientôt. Ça, ça dit tout. Sinon, lui aussi, un autre Viper666 qu'on a souvent cité ici au Dîner de cons. Dégusté en fût sur place de couleur jaune et voilée, né de levure fruitée, agrumes et zeste, trace faible d'abricot. Un peu comme l'autre qui hallucinait des mangues et des bananes. Là. On peut toujours dire ça. Ben oui, c'est ça. C'est qu'il y a des goûts là, dans la bière qui reviennent. Tu sais, puis moi, à un moment donné, j'avais le goût de dire, puis en faisant une joke, dire « Ah, oui ». Ben, ça goûte la bière. Tu sais, ça goûte la bière. Aujourd'hui, ouais. La bière, elle goûte la bière. Et c'est ce genre de bière que, oui, cette bière-là goûte la bière, mais tout ce qu'il y a d'intéressant dans une bière, il n'y a rien d'être désagréable dans mais cette bière. Mais c'est pour ça que c'est pas facile de faire une critique, parce qu'il faut se lancer, il faut se jeter dans le vide et dire bon, ça goûte un peu ça. C'est pas très simple. C'est pas facile de faire des critiques comme on fait ici. Pas du tout. C'est un plaisir, mais c'est vraiment pas facile. Puis c'est pour ça que j'aime aller me chercher des gens qui en ont. Gay, là, le Viper 666, il a écrit 2763 critiques là, avant d'écrire celle-là. Il connaît quand même quelques bouteilles. C'est pour ça que son petit abricot, peut-être qu'il goûte, lui, en fond de... En arrière, là, puis d'où ce qui vient, je le sais pas, moi, mais... Oui, c'est ça, exactement. C'est pour ça qu'on peut pas dire non, hein. Il l'a bu en fût, sur place. Absolument. Nous, elle a pas vécu la même, elle a vieilli, elle, celle-là, dans la bouteille, elle a eu un transport, peu importe. C'est plein de petites variables qui font que le résultat peut être un peu différent. Mais reste que personne n'a jamais parlé d'abricot. Non. D'où ce qui vient, l'abricot... On ne sait pas. Il dit épicé, coriandre, note de clou de girofle. Non, moi, je ne l'ai pas du tout. Clou de girofle, la coriandre, oui. Blé, oui, tout à fait. Note de pain et herbeuse, oui. Moyennement ronde en bouche avec un pétillement moyen, une texture légèrement crémeuse. On ne peut pas dire non. Ça, on va l'essayer, tiens. Mais moi, j'ai eu un petit goût de poivre qui est venu. C'est drôle. Bizarre. Goût de levure épicée. Vas-y. Non, c'est parce que c'est drôle. Moi, je pensais tellement à l'abricot que... C'est génial, mais justement, c'est ça. C'est ce qui est le merveilleux de ça. C'est ça qui est le fun. C'est des expériences qu'on fait. Absolument. Une expérience gustative. Goût de levure épicée, coriandre, faible trace de clou de girofle, fruité, agrumes, il nous revient avec trace d'abricot et même de poire. Lors de l'entrée en bouche, suivi d'un goût très présent, des petites notes d'acide et de blé, des notes de pain frais, puis en finale, on le retrouve ce léger bouquet d'herbes fraîches. Pas faux. Pas ce goût moyen, il dit composé d'un goût de levure fruitée. Mais moi, depuis tantôt, je le dis, le pain, la levure, ça, je l'ai. Levure fruitée, connais pas assez les levures fruitées. Zeste citronné, tantôt tu le disais, ouais. Moi, oui. Mais surtout au nez, je trouve. Ben moi, je l'ai au goût, en plus. Mais juste en premier. Tu sais, quand il rentre, là. Mais moi, parce qu'après, on dirait c'est juste du pain. Moi, je pense que le goût que je trouve de citron, c'est... Tous ces fruits fruits exotiques qu'ils disent depuis tantôt. Okay. Là. Ben moi, peut-être je pense les analyser au citron. Mm-hmm. Peut-être. Mais juste en entrant, parce qu'après, moi, c'est que du pain. Goûte la céréale, la levure. Ça, tu vois, c'est des saveurs que j'ai plus de misère à aller chercher. Moi. OK. Excellent. C'est le fun aujourd'hui. Lors de l'entrée en bouche, suivi d'un coup très présent, bon, c'est bon ça. On a pas mal dit ce qu'il en était de cette bière, hein? Ben, tu vois, c'est pour ça qu'on peut en parler. Des bons produits, il y a des subtilités qui se déclarent, puis qu'on n'a pas sur des affaires qui sont neutres. Là, exact. Ou trop goûteux. Ouais, c'est ça. Qu'on dit c'est exact. Ça, puis qu'on en met trop. Là, il peut se développer un paquet d'affaires, puis je suspecte que plus elle réchauffe, comme tu as dit, plus j'en retrouve vraiment différentes bebelles.

C'est son commentaire là-dessus. Ah, j'ai jamais goûté des Pringles à saveur de pizza, mais ça peut être intéressant, effectivement. Tout à fait. Tout ce qui goûte à pizza a un goût caractéristiquement pizza, un petit peu comme les biscuits, pas les biscuits, les bonbons à saveur de fraise ont une saveur caractéristiquement fraise. Ouais. Ici, c'est la saveur caractéristiquement pizza du fast-food. Je pourrais pas te dire, je pense honnêtement que c'est la première fois que je goûte une grignotine à saveur de pizza autre que de la pizza normale. Mmh. Mais je trouverais quand même un petit défaut au Brésil, je trouve qu'il est pas assez salé. OK. Ah. Est-ce que tu as essayé de prononcer salé à la façon trifluvienne? Je pense que oui. Hein. Ouais, je voulais pas que tu m'en parles. Parce que sinon, je t'aurais repris et tu m'aurais dit je voulais pas que tu me reprennes. Fait que bon. Je pouvais pas gagner vraiment. OK. Fait que je trouve qu'il y a quand même un petit défaut au bretzel. Je trouve qu'il est pas vraiment assez salé. Salé, voilà. Il est pas assez salé. Ça a l'air à ça. Donc, on va continuer de les goûter en rond. C'est juste charmant, Stéphanie. N'est pas honte. Ça a l'air charmant. Ah, voilà pour la bouffe et la malbouffe de la semaine. On fait ça les jeudis en fin d'émission pour clore la semaine en beauté. Et si vous aimez ce qu'on fait à la bouffe de la semaine et la malbouffe de la semaine, sachez que c'est pas mal juste une copie conforme de la bière de la semaine qu'anime Danny Janvier sur l'heure du midi les jeudis. Oui, avec qui a incorporé lui aussi le micro magique. Mais ça, c'est une création originale d'Assemblage Requis, copyright 2014. Pour mais, une fois qu'on a quelque chose d'original. Pour une fois qu'on fait pas juste copie d'Annie. Come on! C'est appréciable tout ça. C'est fou. Le jeudi, c'est la meilleure journée. Facile. Ah, ben oui. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage Requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Cette fois-ci, nouvelle, inutile, insolite, oui, inutile, je peux pas dire. Un pas de plus vers la légalisation complète de la marijuana au Canada. Donc, le PLC, bien sûr, un des plus grands partis d'opposition au Canada, a mis en ligne une pétition en faveur de la légalisation de la marijuana. Et les liens sont sur l'article, ne vous inquiétez guère. Le parti emboîte ainsi le pas à son jeune chef, Justin Trudeau, qui s'était prononcé à la fin de juillet en faveur de la légalisation du cannabis. Selon les libéraux, la lutte contre le trafic de marijuana est un échec. Et il serait plus rentable de légaliser ainsi, de taxer la marijuana. Tandis que les gangs criminels et les bandits s'enrichissent en vendant cette marijuana, la prohibition a coûté aux contribuables canadiens plus de 500 millions de dollars depuis 2006. Toujours selon les responsables du PLC, l'actuel premier ministre du Canada, le conservateur Stephen Harper, continue de se battre dans une guerre contre la drogue qui a échoué et qui a donné lieu à près de 475 000 arrestations de Canadiens sur des accusations liées à la marijuana. Le 26 juillet dernier, alors qu'il était de passage en Colombie-Britannique sur la côte ouest canadienne, le chef du Parti libéral a indiqué qu'après mûre réflexion, il appuyait désormais la légalisation de la marijuana. Il s'agit pour lui d'une nouvelle position. Jusqu'à tout récemment, Justin Trudeau appuyait plutôt la décriminalisation de la marijuana et exprimait un certain scepticisme quant à la légalisation complète, même si son parti avait adopté cette position depuis janvier 2012. « J'ai beaucoup écouté, beaucoup lu et je me suis intéressé de près aux études qui sont sorties sur la question. J'ai réalisé que la légalisation est la voie responsable », a-t-il déclaré lors d'un arrêt à English Bay, dans le quartier de West End de Vancouver. La marijuana n'est pas un supplément alimentaire, a-t-il ajouté. Ce n'est pas super pour la santé, je le sais, mais tel que le démontrent plusieurs études, ce n'est pas pire non plus que la cigarette ou l'alcool. Mais vraiment, Justin, t'es brillant. Le gouvernement conservateur se demande si Justin Trudeau... Parce que là, les conservateurs, eux autres, ils capotent. Hein? Le gouvernement conservateur se demande si Justin Trudeau... le gouvernement conservateur aussi, il faut dire que c'est des gens qui croient aux créationnistes ou presque. Hein? Se demande si Justin Trudeau a le jugement nécessaire pour devenir premier ministre du Canada. Ils disent, les conservateurs, ces drogues sont illégales en raison des effets néfastes qu'elles ont sur eux, ceux qui les consomment et sur la société, a écrit le parti sur son site Internet. Nous allons continuer de protéger les intérêts des familles de ce pays. Notre gouvernement n'a aucun intérêt à ce que la marijuana soit légalisée ou à ce qu'elle devienne plus accessible aux jeunes. Non, à place, on va détruire complètement l'environnement avec les sables bitumineux quand tout le monde qui a une tête sur ses épaules savent que c'est complètement nocif pour notre vie, notre santé. Beaucoup plus que... En tout cas, hein? En appui à leur argument, les conservateurs ont cité des déclarations faites par l'Association canadienne des policiers, un ancien commissaire de la gendarmerie royale du Canada, le Réseau de la prévention de la drogue du Canada, le DPCP. PNC et un criminologue de l'Université de la Vallée du Fraser. Ceux qui militent en faveur de la marijuana applaudissent la nouvelle position de Justin Trudeau. Quand un candidat au poste de premier ministre dit qu'ils veulent légaliser la marijuana, ça permet de poursuivre la démarginalisation de cette idée, a expliqué Dana Larson. Ce dernier ajoute qu'à une époque, seulement les anciens politiciens se prononçaient sur la légalisation, puis les politiciens toujours en place se sont mis finalement à se prononcer. L'ancien procureur général libéral de la Colombie-Britannique, Geoff Plant, ainsi que son ancien premier ministre du NPD, Ujjal Dosan, ont tous deux demandé la légalisation et la réglementation de la marijuana. Ils font partie d'une coalition provinciale Stop the Violence BC qui a noté que plusieurs sondages indiquent que la majorité des Britanno-Colombiens sont d'accord avec eux. Ceci démontre à quel point la question a évolué d'une position marginale il y a plus 10, 20 ou 30 ans pour devenir une position partagée par la majorité des Canadiens et sur laquelle les politiciens n'hésitent plus à s'exprimer, souligne toujours Dana Larson. Jody Emery affirme que c'est magnifique que Jody Emery doit rapport avec Mark Emery, qui est l'avocat qui a commencé la légalisation de marijuana au Canada il y a déjà plus de 20 ans. Jody Emery affirme que c'est magnifique que Justin Trudeau se soit joint au mouvement pour la légalisation de la marijuana. Je ne sais pas si cela aura un impact sur la situation de Mark Emery, a-t-elle dit, mais je suis heureuse de savoir que lorsqu'il reviendra à la maison, nous aurons un candidat au poste de premier ministre qui est en faveur d'une réforme sur les lois de la marijuana. Alors, allez voir la pétition en ligne, si ça vous intéresse. Je ne donnerai pas l'adresse, mais le lien, lui, de l'article est sur la page Facebook du Dîner de cons. Sinon, je pense que c'est tout simplement sur le site du Parti libéral canadien. Sinon, ça, c'est hallucinant aussi. Avoir un corps parfait, eh bien, il faudrait déjà, premièrement, que les hommes et les femmes se mettent finalement d'accord, hein? À quoi ressemble le corps parfait selon vous? Si l'on pose la question à un homme et à une femme, les chances de tomber d'accord sont très, très faibles. La marque de lingerie britannique Bluebella le prouve avec des résultats d'un récent sondage auprès de 1000 personnes qui demandent à chaque sexe leur définition du corps idéal pour les hommes comme pour les femmes en se basant sur le physique des célébrités. On découvre alors que les femmes aimeraient avoir les cheveux de Kate Middleton, mais que pour ces messieurs, vaut mieux être coiffé comme Scarlett Johansson. Et quand il s'agit de courbes, ces messieurs votent plutôt pour les fesses de la mannequin Kelly Brook, alors que les femmes opteraient pour les fines hanches d'Emma Watson. Quant à la poitrine, eh bien, c'est Jennifer Aniston, femme face à Kim Kardashian pour les hommes. Autre différence de goût notable, les traits du visage. Les femmes plébiscitent le visage de Cara Delevingne, mannequin juvénile aux sourcils bien fournis, mais les hommes, préfèrent plutôt les traits de l'actrice Megan Fox. Rien à voir. Ben, quand même, là, moi, je trouve que c'est... premièrement, c'est deux filles magnifiques. Et là, on nous montre, en infographie, le corps parfait pour une femme, vu par les femmes, et le corps parfait d'une femme, vu par les hommes. Et moi, je dois vous dire que les deux sont parfaits, et personnellement, j'aime mieux le corps parfait vu par les femmes pour les femmes, personnellement. L'autre a l'air vraiment plus d'une bimbo. Quoique, j'ai rien contre ça, c'est vraiment bien. Mais selon mes goûts personnels, j'adore, je trouve beaucoup plus jolie la jolie femme vue par les femmes. Mais bon, je suis comme ça, je me dévoile à vous. L'étude de Bluebella montre aussi que les femmes se préoccupent moins de l'âge que le sexe opposé. Quand il a fallu choisir des célébrités, elles n'ont pas hésité à voter pour le ventre de Gwyneth Paltrow, qui a 41 ans et mère de 2 enfants, ou les jambes d'Ella McPherson, qui a 50 ans. Mais les différences sont aussi parlantes pour le corps idéal des hommes. On remarque immédiatement que les deux sexes imaginent un homme parfait au torse et aux jambes musclées. Ça, les deux, en partant. Mais les femmes préfèrent les muscles légèrement moins imposants que les hommes. Donc, les femmes aiment les hommes musclés, mais pas des gros muscles. Pour les femmes, pas besoin d'avoir de très gros bras. Mais chez les hommes, on envie les biceps de Hugh Jackman. OK. Pour le haut du corps, quand les femmes votent pour le visage de Jamie Dornan, bientôt à l'affiche dans 50 Shades of Grey, les hommes pensent plutôt à David Beckham. Et lorsqu'il est question de style capillaire entre la chevelure fournie du jeune Harry Styles du boy band One Direction ou la coupe courte de Brad Pitt, il y a un énorme fossé. Donc, les femmes, elles, préfèrent des cheveux un peu plus longs, un peu plus fous. Et les hommes, pour les hommes, eux, s'imaginent que c'est plutôt une coupe plus serrée à la Brad Pitt. Bien intéressant, cette étude. Alors, hein, si on veut savoir ce que l'autre veut, il faudrait qu'on se parle enfin, hein? Ben oui, c'est-tu pas beau ce que je viens de dire, là? C'est magnifique. Tiens, on parle ici plutôt technologie. C'est le géant américain qui compte apporter à Internet dans... apporter Internet dans des zones les plus reculées du globe grâce à ses drones. Google achète l'entreprise de drones solaires que lorgnait Facebook. Google a été plus prompt ou plus généreux que Facebook pour acheter la société Titan Aerospace. Le géant d'Internet est ainsi allé plus loin que les rumeurs selon le Wall Street Journal et a acquis le fabricant de drones solaires pouvant voler en très haute altitude pendant 5 ans sans assistance. Facebook avait émis le souhait de doter ses drones d'émetteurs pour amener Internet dans les zones les plus reculées du globe. Il aurait fallu pour cela une véritable flottille de drones survolant la planète en permanence. Il semblerait que Google a les mêmes ambitions que Facebook en achetant Titan Aerospace. Peut-être est-ce également un moyen de gêner le projet de son concurrent. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'accueillir Titan Aerospace dans la famille Google. Il est encore tôt pour parler, mais des drones atmosphériques pourraient aider à donner un accès à Internet à des millions de personnes et à résoudre des problèmes comme à l'assistance lors de catastrophes, a rapporté le porte-parole de chez Google. Et là, je le dis comme ça, mais pour être très pratique aussi pour Google Maps et tout le reste, hein, parce qu'avec des drones, on peut vraiment mapper la Terre de façon efficace. Le prix de la vente n'a pas été révélé, mais lors de l'approche faite par Facebook de la compagnie Titan, les rumeurs évoquaient une vente aux alentours de 60 millions de dollars. Finalement, Facebook se serait tourné vers l'entreprise britannique Accenta, fabricant d'avions solaires, pour établir une coopération entre leur équipe de recherche. Les premiers avions Titan Google et Accenta Facebook devraient pouvoir voler à partir de 2015. Ça va quand même assez vite, très, très rapide. C'est bientôt. Ici, faut que j'y aille avec elle, cette excuse ridicule d'un maire qui a été flashé à 154 km sur une autoroute départementale. C'est Jean-Louis Hénon, maire de Courcelles-Épaille, qui a été contrôlé par un radar à 154 km sur une départementale. Pour sa défense, l'homme a invoqué une excuse complètement surréaliste. Il a dit aux policiers... Je faisais sécher ma voiture. Il filait à 154 km, donc la vitesse limitée est à 90. Il a été flashé par un radar mobile, arrêté par les policiers. Son véhicule a immédiatement été immobilisé. Alors que les forces de l'ordre lui signifiaient le retrait de son permis de conduire, le maire s'est justifié en déclarant « D'habitude, je roule normalement, mais ce jour-là, il faisait beau. J'étais parti à Menglin pour laver ma voiture et sur la route de retour, j'ai accéléré sur 1 km pour faire sécher ma voiture. » Une excuse qui, heureusement, n'a pas convaincu les policiers. Ici, hein, quand même. Tu prennes le monde pour des caves, là, mais pas tant que ça, quand même. Et parlant de caves, ici, j'en ai une belle brochette. C'est des idiots qui ont volé 4 vaches à l'aide d'une voiture. Eh bien oui, à Bukit Mertajam, en Malaisie, des malfrats se sont servis d'une voiture pour voler 4 vaches. Ils ont dû tasser les animaux pour les faire entrer. Une vache a été placée dans le coffre et les 3 autres sur la banquette arrière. Mais les voleurs de vaches ont été contraints d'abandonner leur véhicule car il n'a pas résisté au poids des bovins. Ils sont toujours en fuite et n'ont pas été identifiés. Les vaches, elles, ben, y ont été retrouvées toutes pognées dans l'auto. C'est complètement ridicule, mais il fallait absolument que je vous en parle. C'est génial. J'adore ce genre de nouvelles. J'adore ce genre de nouvelles ici. C'est un jeune homme qui, à 10 ans, a volé la voiture de sa mère pour ne pas aller à l'école. Ça se passe en Floride, aux États-Unis. Un garçon de 10 ans s'est enfui au volant de la voiture de sa maman. Le jeune garçon s'était fâché avec sa maman car il ne voulait pas se rendre à l'école. Il a alors jeté une brique en direction de sa maman avant de prendre la fuite au volant de son véhicule. Il a été arrêté par la police après avoir roulé pendant plus de 45 minutes. Il a pris les clés de sa maman. Il ne voulait pas aller à l'école aujourd'hui, affirme le porte-parole de la police. Il ajoute que l'enfant ne pouvait à peine voir au-dessus du volant. Hein, il ne peut pas à peine voir la route. Heureusement, ce garçon de 10 ans n'a eu aucun accident, mais il risque d'être placé par les services sociaux dans un institut pour jeunes criminels. Oh, ben, ça commence mal, la petite et jeune vie d'un jeune homme. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez lecestfou.ca. Assemblage requis. Tantôt, on avait commencé la chronique Les instructions d'assemblage. On a une autre partie. Nous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2.